Bonjour et bienvenue à présent à un autre entretien pour une deuxième fois avec Yannick que vous voyez à l'écran. Ici, David au micro que vous entendez. Et nous sommes présentement là, au mois de décembre de l'année 2020 où s'effectue cet entretien. Donc, dans un premier temps, je peux mentionner aux gens qui nous écoutent que Yannick a une chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ben, comme je l'ai dit la dernière fois, moi je fais une chaîne sur laquelle je parle beaucoup pour m'ajuster comment je pourrais dire ça? Pour ajuster mon feu. Parce que moi, je me rends compte que quand je parle, ben j'apprends beaucoup. Puis quand que j'ai des grandes prises de conscience, puis que ça devient dur à contenir, au lieu d'aller parler de ça à des gens qui pourraient être plus ou moins intéressés, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour me vider, pour qu'après ça, j'aie plus ça sur la conscience. Puis en même temps, ça me fait vraiment du bien parce que ça me permet de mettre un point sur ce que je sais. Oui, c'est intéressant. Et ce que je peux dire en parallèle avec toi, parce que j'ai également une chaîne YouTube, c'est que ça me sert aussi à ça. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour parler, puis au lieu de m'adresser à des gens sur la rue ou des gens qui ne sont pas nécessairement concernés par la nature de mes propos, ben, je vais cibler un auditoire qui s'intéresse à ça spécifiquement là, sur YouTube, là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà une belle initiative. Et puis, c'est sûr que depuis la dernière fois qu'on a discuté ensemble, tu as fait des vidéos sur ta chaîne. Donc, j'invite aux gens que ça intéresse, bien, c'est sûr d'aller la visiter. Et je peux mentionner aussi aux gens que tu es également sur Facebook. Donc, je mettrai les coordonnées là, de ta chaîne de YouTube et également Facebook là, en bas de l'enregistrement présent. Et pour débuter l'entretien d'aujourd'hui, je voulais t'amener à parler de l'avenir de l'humanité. Donc, comment vois-tu l'évolution future des êtres humains? Ben moi, présentement, avec ce que j'observe présentement, c'est qu'il y a un grand. On est un peu dans les chemins de plusieurs possibilités. Sauf que moi, je me dis que l'important, c'est pas de parler de l'avenir de l'humanité, mais de l'avenir de l'individu. Dans le sens que l'individu qui se conscientise, qui est la personne pour laquelle je parle, parce que moi, je suis une personne qui se conscientise, puis. Je parle à des gens qui se conscientisent parce que c'est avec ces gens-là que je me sens le plus concerné. Donc, moi, ce que je remarque le plus, c'est que présentement, on vit dans un temps où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui peuvent causer des chocs aux individus. C'est facile, on a juste à regarder sur Facebook pour voir qu'il y a des gens qui vont parler de conspiration, qui vont parler des textes sacrés, qui vont parler des ci, qui vont parler de ça. Tout pour magnétiser l'individu de façon ou d'un autre, ou tout pour permettre à l'individu d'aller à l'intérieur de lui pour voir qu'est-ce que l'énergie fait ressortir. Puis moi, je me rends compte c'est drôle parce que moi, c'est exactement quand le confinement a commencé que ce COVID-là s'est présenté à moi dans ma vie, puis qu'on m'a mis en confinement le jour où j'ai écouté mon premier truc de Bernard de Montréal, dans le fond. Puis. Je me rends compte que, on Attends une dirait que. minute, tu as Qu'est-ce que. découvert Bernard de Montréal au moment où a commencé le confinement lors de l'hiver Ouais, c'est ça. 2020? Ouais. OK, c'est assez particulier. Ouais. Initiation COVID. Ouais, fait que c'est ça. Ce qui est arrivé. Moi, je me rends compte, on dirait que dans le COVID, ce qui se passe à l'extérieur est très, très, très intimement lié avec ce que moi je vis à l'intérieur de moi, parce que on dirait qu'avant, moi qui étais tellement collectif, je faisais juste suivre le beat de la vie collective, mais maintenant que je suis individuel, on dirait que mon univers est directement impacté par ce qui se passe, comme qu'ils nous disent en physique quantique, quand ils parlent que le décor change à l'observation, mais maintenant que je suis observateur, mon décor il change. Tu sais? Oui, Puis. exactement, parce que tu constitues le monde à chaque fois que tu le regardes. Oui, exactement. Puis, je me rends compte que à cette heure, plus que je suis prêt à me voir, plus qu'on m'envoie des chocs. Puis ça, que ce soit juste, tu sais, ce qui se passe dehors, comment je pourrais dire ça? C'est juste une occasion de se regarder, tu sais. Moi, je me rends compte que ce qui se passe à l'extérieur, c'est secondaire comparé à ce qui se passe dans nos familles présentement, ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans nos doutes, parce que ça cause. Tu sais, je vois beaucoup de familles qui se chicanent à cause que certains sont complotistes, certains sont pro-gouvernement, certains sont ci, certains sont ça. Moi, je suis pro-humain, puis je me rends compte que moi, l'avenir, je le vois là. Pas nécessairement en allant contre un gouvernement ou pour un gouvernement, mais en allant pour l'humain, puis pour la conscientisation de l'être humain. Parce que si l'être humain veut se conscientiser, il va comprendre que les mécanismes qu'il déteste tant, c'est les seuls auxquels il doit faire face pour se conscientiser. Tu sais, quand que Bernard de Montréal nous parle d'être en haine contre les plantes, c'est pas juste d'être en haine contre l'astral, c'est d'être en haine contre ce qui fait face à nous présentement, face au comportement qu'on est magnétiquement conditionné à répéter puis répéter. C'est pas juste d'aller frustrer les forces qui vont aller qui perpètrent dans notre quotidien les affaires qu'on n'aime pas, mais c'est surtout ce qu'on est programmé puis dire en dedans de nous autres quand il y a un comportement qui se répète, de dire hey tabarnak, c'est quoi ça? C'est de Pourquoi contester tu me fais que. faire ça? Oui, Pourquoi? je comprends le Hein? principe. C'est de contester le comportement, la mécanicité, mais en même temps, le point, il faut pas en venir à développer la haine de soi non plus. Ben non, parce que c'est pas nous qui fait ça. Présentement, on subit les résultats de notre inconscience. Puis Exact. pour. Juste interrompre un instant. Est-ce que tu Ouais, vas-y. peux te reculer légèrement de la caméra parce que tu bouges un petit Ouais. peu? Puis je vais être sûr que pendant tout le long de l'entretien, on puisse voir comme il faut ta tête, tes épaules en OK. plan buste avec un certain recul. OK. Est-ce que tu peux te reculer encore? Non, mais je peux reculer. Comme ça, c'est correct? Oui, c'est nettement mieux, là. Comme ça va être Ok. parfait. Parfait. Fait que tu peux poursuivre là, par rapport à ce que tu disais là, en lien avec la haine. Ouais. Mais moi, je me rends compte, parce que moi, je vais parler de mon expérience personnelle, parce que c'est la seule chose à laquelle je me réfère présentement. Moi, présentement, quand je suis arrivé dans ma conscience, à un moment donné, il y a comme un genre de gouffre qui s'est dressé entre moi puis les gens que je voyais comme les autres, les mordus, les moldus, les mortels, ou les. Tu sais, comme les gens qui veulent pas se conscientiser. Je fais des farces un peu, là, pour moi, tous les humains sont de ma race, là. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un gouffre qui se dessinait, puis c'est moi qui faisais ce gouffre-là au début. Puis, un moment donné, je remettais tout sur la faute de ce gouffre-là, puis je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon mensonge. C'est là que je me suis rendu compte que tu sais, quand on dit que la pensée, elle vient d'ailleurs, ben ça veut juste que dans les pensées les plus intimes, tu sais, quand on se dit que eux autres sont comme ça, c'est qui me dit ça en dedans de moi que, ah, oh, l'autre, il est pas aussi intelligent que moi, ah, oh, l'autre, il est pas aussi conscient que moi, ah, oh, l'autre, qui me dit à moi que ce gars-là s'en va dans le même futur que moi? Qui me dit que ce gars-là, il s'en va dans. Qui me dit qu'on fait partie du même film? Tu sais, moi, je suis sûr qu'on est sur un plateau de tournage avec des milliards de films en même temps, puis nous autres, on est comme les religions dans le temps, puis on se dit, calisse, ils font toute partie de mon film, fait que suivez donc mon film. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'orgueil va dire, ben, les autres sont pas corrects, moi je suis correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le point, c'est que chaque être humain va vivre ses choses. Puis, tu sais, quelqu'un qui, entre Ah oui, c'est ça. guillemets, est inconscient n'est pas nécessairement incorrect en soi, parce que s'il serait exposé à une plus grande quantité d'énergie, peut-être qu'il pèterait les plombs. Donc, peut-être que sur le plan objectif, c'est plus intelligent qu'il ne touche pas une conscience de l'esprit impersonnel parce qu'il ne serait pas capable de la supporter sans disjoncter. Puis en plus de ça, là, quand que tu es, je veux dire, quand que tu fais de ton mieux, là, ben que tu fasses ton mieux ou que tu fasses pas de ton mieux, tu essaies toujours ce que tu rayonnes. Fait que t'as pas besoin de demander aux gens d'être attirés parce que tu rayonnes, calice, c'est même ça marche l'énergie. Si tu rayonnes réellement, tu n'as rien à prouver, puis tu n'as pas personne à convaincre parce que l'énergie parle d'elle-même. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie du mensonge cosmique au début, je pense, de vouloir d'être tellement magnétisé par les paroles des gens qui parlent, puis par cette conscience-là, puis de. Tu sais, on s'entend-tu que c'est pas rien, là? Il nous arrive des affaires le fun, puis au début, c'est normal de vouloir partager ça aux gens, sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est une crosse de justement diffracter notre énergie sur ces gens-là, en voulant dire, aïe, aïe, check-moi, je te donne mon énergie pour que tu vois c'est quoi, je te donne mon énergie pour que tu vois, tu le donnes à tout le monde, tandis que c'est cette énergie-là qui fait ressortir cette envie-là qu'il faut que tu regardes, parce que derrière cette envie-là, c'est là qu'il y a le double, tu sais. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que des fois, la personne, quand elle commence un processus de conscientisation, vit une forme de fascination pour l'occulte, puis ça peut l'amener à vouloir désirer à partager les découvertes qu'elle fait à d'autres personnes. Mais si elle fait avec des personnes qui ne sont pas concernées par rapport à ça dans le moment présent, ben, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, c'est une perte d'énergie. Ouais, c'est ça. Ça risque de créer un gouffre entre elle et les autres, parce que là, elle se met sur un piédestal en disant « Moi, je suis conscient, toi, tu l'es pas. » Fait que ça crée une polarisation, une dualité. Encore là, le mot conscient, c'est vaste, tu sais. Oui. Je veux dire, moi, je suis peut-être conscient que la pensée vient d'ailleurs. Je suis peut-être conscient de si. Mais va parler. Mettons, le mot. Je suis conscient de certaines affaires, mais si je rentre dans un garage, le gars, avec son char, il est bien plus conscient de comment ça marche avec le char que moi, je suis aveugle, je peux même pas conduire. Comment je veux dire? Exact. La conscience, c'est relatif. Puis je me rends compte que quand quelqu'un est dans son savoir, que son savoir soit le même que moi ou pas, ben, calice, on a à sa portée. Comment est-ce que je veux dire? Parce que deux personnes qui savent ont des hosties de belles conversations parce que c'est leur intelligence, puis leur intelligence à leur est propre. Tu sais, M. Oui. Parent de Montréal, il a dit à un moment donné, il a dit qu'elle allait avoir autant d'ajusteurs de pensée différents qu'elle allait avoir d'individus parce que la conscience, c'est justement individuel à chacun. Oui, chaque individu est unique et son processus d'individuation, par conséquent, est unique également. Par contre, la conscience a des principes universels qui s'y rattachent, comme Bernard, à travers son instruction. Bon, la pensée vient d'ailleurs que tu évoquais, mais il y a aussi d'autres principes par rapport à des lois d'énergie, dans le sens que, par exemple, le taux vibratoire va avoir une capacité d'influence plus grande que celui qui a un taux vibratoire plus bas. Donc, même chose par rapport à la domination. Tu sais, quelqu'un qui entre en contestation mentale, c'est parce qu'il y a une volonté qui est supérieure ou égale de celle qui cherche à s'imposer à lui, ou à le dominer, ou à le chevaucher. Tu sais. Donc, c'est ça, il y a des lois d'énergie, c'est de les comprendre, puis d'être capable de les utiliser. Mais en lien avec ce que tu disais, c'est vrai que tu sais, quelqu'un peut être inconscient de certaines choses, puis vice-versa. Quelqu'un peut avoir une très grande conscience de la mécanique automobile, l'autre, c'est pourri, mais il y a une très grande conscience au niveau, par exemple, artistique. C'est ça. Exact. Fait que, comment vois-tu le futur de l'individu qui se conscientise à travers le temps, les siècles, les époques? Ben moi, je dis que c'est personnel parce que, mettons, ça va dépendre vraiment de la personnalité de l'individu en prime abord. Ça va dépendre de son attitude dans l'évolution en second plan. Puis, en troisième plan, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas juste un futur échéant. Je pense qu'on a plusieurs. Tu sais, il y a des futurs plus, je dirais, je veux pas polariser, là, mais il y a des futurs plus noirs, plus difficiles, où ce que l'humain doit encore en chier pour se conscientiser. Puis des futurs où les lois seraient différentes, où tu sais, mettons, il n'y aurait pas de guerre, mais pas de guerre parce qu'on a peur de la guerre, mais pas de guerre parce qu'on n'a plus de besoin, parce que les gens y ont compris des affaires. Tu sais, je regardais ça, je parlais avec quelqu'un l'autre jour, puis il y avait de la misère à concevoir quand je disais que peut-être que dans 1000 ans, 1500 ans, on n'aurait plus besoin de ça, de les lois. Puis là, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui arriverait s'il y a des récalcitrants, s'il y a des. Je dirais, ouais, mais s'il n'y en a pas, on n'aura pas besoin. Puis il y avait de la. Il disait, ouais, mais en cas que. Je disais, ouais, mais rendu là, la mécanique va faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de certaines lois. Comment est-ce que je veux dire? Fait que, à la Certainement. mesure de ce que la personne peut encaisser dans sa démarche de conscientisation, puis dans sa compréhension des lois de l'énergie, un futur, à sa mesure, va lui être apporté. Puis ça, c'est vrai autant de la conscientisation des lois que dans sa conscientisation de son rapport à l'autre. Exemple, quelqu'un qui décide de se conscientiser, puis qui va s'isoler des autres. Qui va se dire, ben moi, vu que je suis conscient, je peux pas être avec les autres. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, si on l'amène dans un futur, on va l'amener dans un futur où il va avoir à vivre de la solitude. Tandis que si la personne sans tomber dans la spiritualisation du don à l'autrui, qui est capable d'échanger avec les autres, c'est sûr qu'on va l'amener dans un futur où il va être près des autres, puis où les gens vont se tenir. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que selon moi, une future civilisation basée sur l'individualité, mais pas sur l'individualisme, va permettre aux individus d'être dans leur propre lumière sans être contre la lumière de l'autre, comme qu'on disait plus tôt. Parce que, en prime abord, c'est bon d'être individuel, mais quand que tu deviens individuel, à un certain point, c'est bon d'avoir un rapport à l'autre. Ça, c'est très important selon moi. Oui, c'est sûr que ça peut être intéressant ici de définir la distinction entre l'individualisme et l'individuation. Ouais, c'est ça. L'individualisme, pour moi, ce serait. L'individu qui ne pense qu'à lui, ce serait genre un peu comme de l'avarisme ou du selfishisme. sais, comme celui qui pense qu'il est le seul poisson dans le bocal ou le seul boisson dans l'océan, qui est le centre de l'univers, quoi qu'on ait vu, si l'univers est rond, on est tout le centre, là, mais dans le sens que si tu penses que tu es le nombril du monde, on est plus dans le domaine de l'individualiste, tandis que quand tu es dans l'individualité, c'est que tu n'as pas besoin des autres. Pas que t'as pas besoin des autres égoïquement, mais que t'as pas besoin des autres pour te définir en conscience, ou plus vulgairement, que t'as pas besoin de tout le temps te référer à des livres ou à des gens pour te définir ta vie. C'est là que tu es capable d'aller en esprit puis de dire la vie c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'es capable de. Puis ça se fait à travers des longues années d'études, parce que selon moi, au début, l'esprit ne te montrera pas à toi ou à moi. Si tu peux être fasciné par tes réponses. Comme moi, j'ai eu une conversation avec mon esprit la semaine passée, puis je lui demandais pourquoi tu ne me donnes presque pas de réponse. Puis il m'a dit, à chaque fois que je te donne une petite miette de réponse, tu la prends pour le trésor au complet, puis tu pars au fou. Fait que tu vas attendre un maudit avant que je te donne d'autres réponses. Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un excès d'enthousiasme par rapport à l'esprit, parce que sans ça, ça nous amène à émotiver son rapport à lui, puis à dépenser de l'énergie inutilement, puis à être euphorique. Là. Oh, mais ça fait partie de la naïveté de l'homme, ça c'est sûr et certain. Là. Oui, ben ça fait partie de l'ego qui, par exemple, découvre quelque chose de nouveau, un peu comme un jeune enfant qui a un cadeau à Noël ou quelqu'un qui achète une auto puis c'est nouveau. Ben quand il découvre quelque chose, souvent l'être humain est euphorique à cause de l'effet de la nouveauté. Mais quand ça fait, mettons, 20 ans que tu cohabites consciemment avec l'esprit, à un moment donné, c'est comme, j'allais dire, un vieux partenaire de couple, mais je veux dire, t'es habitué, là. Donc, à ce moment-là, il y a une désémodification du rapport. C'est moins émotif qui peut s'installer à mesure que tu t'habitues comme différentes choses. Là, ouais. Ben, tu vois, ça m'a donné... tu sais, comme présentement, je suis beaucoup dans le... tu sais, quand tu commences à te rendre compte que tu te fais avoir de plus en plus, puis que tu te dis « Calisse, que j'ai été con. » Mais « Calisse, que j'ai été con. » Puis là, après ça, tu dis « Ah, ben là, je suis plus con. » Puis là, une semaine après, tu dis « Ah, calisse, que j'ai été con. Ah, calisse, que j'ai été con. » Mais moi, ça m'a donné envie d'écrire j'ai goût d'écrire une petite brochure, quelque chose comme ça, par rapport aux embûches de l'intégration, puis les embûches possibles avec d'autres gens avec qui je parle fréquemment, tu sais. Parce qu'on se rend compte qu'on se fait avoir pas mal souvent, puis que ce serait le fun que les prochains qui se conscientisent aient un certain repère des embûches possibles de l'intégration, tu sais. Ça pourrait être intéressant. Oui, certainement dans un esprit de partage. Mais encore faut-il que la personne l'intègre, dans le sens que, comme par exemple Bernard de Montréal, il a descendu toute une instruction qui permet aux gens d'avancer, mais tout est reçu selon la forme du récipient. Tu sais, tu peux dire à un jeune enfant, mais mets pas tes mains sur le four, tu vas te brûler les mains. Mais si le jeune enfant t'écoute pas, il faut qu'il vive ses expériences. Puis je te dirais qu'à un certain niveau, le savoir, il y a une limite dans le transfert, parce que l'ego, il a malheureusement vécu un certain nombre de souffrances pour aller plus loin. Oui, ça c'est sûr. C'est plate à dire, tu sais, il y a des choses que, par exemple, je faisais des entrevues avec Marc de la Salle qui m'a expliqué, puis ça m'a pris plusieurs années avant que je les comprenne. Même chose par rapport à l'écoute d'enregistrement de Bernard de Montréal. Il y a un vécu qui doit se faire entre on écoute, on entend un principe, puis le comprendre, puis l'intégrer, ça peut s'échelonner sur plusieurs années. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais l'idée de faire l'étude des points d'embûche dans ta vie pour un développement personnel, moi-même je le fais, puis je trouve que ça apporte beaucoup, tu sais, de se voir aller, puis d'être capable de s'ajuster quand on voit que justement on manque d'ajustement ou il y a des choses qui nous siphonnent notre énergie vitale. Ça c'est super pertinent en effet. Mais ce serait pas juste sur un plan personnel, c'est parce que je suis beaucoup je suis beaucoup actif sur les groupes puis sur les forums. Puis je vois beaucoup qu'il y a des problèmes qui sont récurrents, puis je pense que c'est vraiment important, tu sais. C'est ça de la psychologie évolutionnaire, ce serait d'être capable de voir comment que ça se passe dans la tête des gens qui se conscientisent. Puis ça m'intéresse beaucoup, parce que je me rends compte que si je reste seul dans ma maison à rien faire puis à m'éloigner du monde, j'apprends beaucoup moins que si je heurte mon ego à des affaires qui le dérangent, puis à des gens qui sont dans le même chemin que lui, même s'ils vont peut-être pas à la même place. J'évolue pas mal plus quand je me confronte aux gens qui me tapent ses nerfs ou qui me font travailler sur moi. Et quand je les fuis puis que je me dis que je suis plus conscient qu'eux, tu sais. Parce que des fois, je me rends compte que c'est cette pensée-là, astrale ou appelle-la comme tu veux, qui me dit que je suis meilleur qu'eux, qui fait une embûche entre moi puis la prochaine prise de conscience ou entre mon entre la plus grande clarté que je recherche. Parce que toutes les fois où j'ai eu un blocage entre moi puis quelqu'un, je me suis rendu compte que derrière ce blocage-là, Calis, il y avait un événement de fou. Un événement de fou qui pouvait m'apprendre plein de choses. Bien, souvent, ce qui fait obstacle, c'est l'orgueil de se croire plus grand que l'autre ou différentes personnes. C'est ça le point. Si tu es transparent dans l'ego, puis tu es ouvert à l'autre, puis tu pars du principe que l'intelligence peut passer par différents individus, puis de ne jamais se penser supérieur aux autres, ben, à ce moment-là, tu es dans un état de disponibilité interne pour capter l'intelligence lorsqu'elle se manifeste. T'sais, peu importe la personne, qu'elle ait fait un cours à l'université ou non, qu'elle soit jeune ou vieille, t'sais. Ah oui, puis il faut que l'intelligence ça passe par plusieurs individus, parce que sinon il n'y a qu'un individu qui. Je veux dire, tu sais, la lumière, là, on s'entend toute l'électricité, puis si ça passe juste dans un seul individu d'une shot, là, on est fait. Le gars, il capote, bye bye. À moins qu'il y ait une Il grande va prendre un méchant capacité. système nerveux pour être Oui, capable d'encaisser ça. ben c'est ça, là. T'sais, ça prend une capacité de contenance qui est à mesure de la capacité justement de l'individu d'intégrer l'énergie. T'sais, plus l'individu est capable d'intégrer une descente élevée de l'énergie qui provient de l'esprit, puis plus qu'elle doit être en proportion solidement restée dans la matière pour pas être déstabilisée par elle. Ouais. Ben, puis tu vois, quand on parlait du futur, justement, moi je pense que pour être capable de réellement transformer sa vie, puis avoir un futur qui est loin de. Qui serait pas nécessairement conditionné par le passé, c'est là que ça devient important de casser les formes. Parce que quand tu casses les formes, ça restructure, ça apprend à tes cellules dans ton cerveau à se restructurer, puis se restructurer, puis se restructurer. C'est là que l'énergie peut descendre parce que ton cerveau, il devient de plus en plus intelligent. Tu sais, de l'intelligence, c'est comme les cellules qui deviennent indépendantes ou qui deviennent individuelles, l'unicellulaire, dans le fond, puis qui sont capables de se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier pour aller savoir d'elles-mêmes, tu sais. Oui, bien, faire éclater les formes libère de l'espace pour que l'esprit puisse, dans le fond, pénétrer davantage ton être. Donc, ça libère des mémoires, ça libère des éléments qui pourraient faire interférence à la captation vibratoire qui peut se faire dans l'instantanéité du moment présent, tu sais. Parce que souvent, la problématique, c'est que quand on avance en âge, les êtres humains, ben, on a tendance à accumuler des mémoires, puis plus que de mémoires, puis plus que d'obstructions potentielles à la captation, puis l'intégration de la vibration de l'esprit. Donc, idéalement, c'est d'être détaché de toute forme de mémoire à tous âges. C'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire, parce que l'ego a tendance à émotiver son rapport au mémorial pour en faire de la nostalgie, entre autres. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le plus fucké là-dedans, là, Ouais. c'est qu'on est inconscient d'être inconscient. Puis ça, je m'en rends compte, hein, parce que combien de fois je me suis dit, ah ben là, je le sais. Ah ben là, je le sais. Ah ben là, je le sais, tu sais. Puis que là, ou combien de fois que j'ai voulu dire, ah, oh, je crois plus. Puis là, finalement, je dis, ah oh, ben, ça a l'air que je crois encore. Ah ben, ça a l'air que je crois encore. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que là, tu veux plus croire pour de vrai, mais que tu le sais que tu crois encore, puis qu'il faut que tu débusques les croyances. D'où l'importance. Moi, j'ai commencé beaucoup à tous les jours de prendre une petite demi-heure par jour, de prendre un papier et un crayon, puis d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Puis là, je m'étudie, puis là, je vois, ah, ben, c'est drôle, je pense comme ça. Ah, ben, c'est drôle, je pense comme ça, mais avec détachement. C'est ça, c'est là ça me permet de voir où est-ce que l'esprit se manifeste dans ma parole, puis où est-ce que c'est de l'ego qui se manifeste dans ma parole. Puis à longue, on dirait que quand j'écris, il y a plus d'esprit que d'ego, mais c'est encore 60-40 pour l'ego, je te dirais. Ben, c'est parce que ça prend une volonté de l'ego pour amener l'invisible, l'occulte, que ce soit le plan astral ou le plan de l'esprit, à te parler intelligemment. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'idée de laisser circuler qu'est-ce qui émerge dans ta tête à travers l'écriture automatique, spontanée, ça permet de faire ce qu'on appelle du brainstorming. Donc, ça permet une ouverture du canal. Mais une fois Ouais, que le c'est ça. canal est ouvert, c'est de faire parler l'entité l'autre bout d'une manière intelligente, puis d'être capable de la contester à mesure. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Moi, des fois, ça m'écrit une affaire, puis là, je lis qu'est-ce qu'ils viennent d'écrire, puis je suis comme, OK, mais c'est quoi tu me dis là, tout là, ta gueule. Honnêtement, des fois, ils m'écrivent un paquet de conneries, puis c'est là que je. Puis là, je fais une petite colère vibratoire, tu sais, je suis en crise, puis. Ben, quand justement, je suis en crise, ben, des fois, après ça commence à écrire, puis ah, oh, ça fait plus de sens, d'un Ben coup, tu sais, c'est ça là que monte. qu'on est en crise, souvent que le crise intérieur se manifeste. Mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, mais c'est ça prend de l'autorité pour ajuster l'esprit à mesure, parce que l'esprit peut te tester en te désinformant, même chose que l'astral. Puis aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de moi. Ça fait une semaine que je me rends compte que cette colère-là que j'avais face aux autres, c'est justement cette même colère-là que je peux mettre, juste, que je peux renvoyer vers l'invisible. Puis si tu fais pas ça, Yannick, tu sais, si je fais pas ça, ben je me rends compte que c'est contre l'autre que ça va s'en aller. Parce que cette colère-là, il faut qu'elle soit quelque part. Parce que dans l'évolution, on nous a dit de ne pas la prendre. Puis cette colère-là a été récupérée par des entités pour fucker la vie des gens. Cette colère-là a été récupérée à mauvais escient. Puis ça l'a même rendu des gens fous parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec cette colère-là. Ils pensaient qu'il n'était pas normal. Mais dans le fond, c'est un feu, tu sais. Exactement. Puis aujourd'hui, j'avais cette colère-là en discutant avec une de mes amies. Puis c'est là que je me suis dit, bon, mais là, c'est assez. J'ai pris ma colère, puis là, je me suis mis à écrire, puis là, j'ai demandé c'était quoi, puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, puis là, j'ai commencé à comprendre des affaires. Ça a fait du bien. Bien, c'est sûr que l'énergie de la colère peut être un carburant pour entrer dans une dynamique de contestation avec l'esprit pour l'amener à nous dévoiler des choses. Donc, la colère peut être un tremplin évolutif qui peut être utilisé en termes de capacité à faire éclater des formes, puis à ce moment-là, se donner accès à un savoir qu'on n'aurait pas accès autrement. Non, c'est ça. Mais ça, on n'apprend pas ça à l'école ou en maternelle. Ben non. C'est pas fait pour tout le monde encore, je pense. Non, exactement. C'est sûr qu'il y a un petit groupe présentement qui se forme à l'état embryonnaire à la surface de la Terre. Mais c'est vraiment en voie de développement. Puis c'est sûr par rapport à la colère, comme tu disais, ben à quelque part, si quelqu'un retourne la colère contre un autre être humain, à ce moment-là, il y a un phénomène de diffraction de l'énergie qui se fait. Ouais, c'est ça. C'est pas d'agir au bon niveau. Parce que derrière les événements qui nous contrarient, il y a toujours l'esprit. Fait que il faut aller à la source. Donc, contester l'esprit qui est derrière les événements qui sont orchestrés dans notre existence pour l'amener à nous dévoiler la fonction de ces événements-là dans notre vie pour sortir de l'ignorance qui peut nous faire vivre, entre autres, de la colère, puis aussi ajuster l'esprit à nous pour qui nous amène à agir d'une manière différente par rapport à nous, avec plus de respect par rapport à notre personne, parce que l'affirmation de notre individualité vise à nous amener à être respectés des autres, mais aussi à travers l'esprit, par rapport à notre propre source qu'on a à ajuster à nous, à nos besoins individuels, entre autres. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, ce qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est que justement... Tu sais, quand on parlait des futurs tantôt, là, quand on crée, c'est comme si on jouait tout le temps sur plusieurs trames, tu sais, on se promène d'une trame à l'autre, on se promène, puis chaque fois qu'on fait quelque chose qui est pro-mort ou qui exemple justement la haine entre les hommes, ben on nourrit un futur où ce que le futur facile qui est qu'on est déjà attiré où ce qu'il y a la destruction et que les forces retardataires qui continuent à retarder et les retarder, ben... Mais c'est bien dit, c'est bien dit, hein? Les forces retardataires qui retardent ceux qui sont retardés, là. C'est ça. Mais c'est ça, ceux qui retardent ceux qui sont... Les forces retardataires retardent ceux qui sont retardés. Ben, c'est eux autres qui nous attirent parce que c'est le chemin qu'on connaît. Que ce soit un chemin spirituel qui est bonbon puis qui plaît à l'ego, que ce soit un chemin qui plaît à l'ego qui a soif de violence, ben c'est pas un chemin qui est objectif. Tandis que quand tu prends un chemin qui est pro-vie, c'est-à-dire un chemin où il y a de l'observation, un chemin où il y a des réels changements juste par l'observation, parce que des fois, l'action n'est pas super évidente au début, puis c'est souvent le pas de recul puis l'absence d'action qui mène à une meilleure action par la suite, tu sais. Ben c'est là que au lieu que la haine elle soit rejetée sur la scène, mais qu'elle soit rejetée sur les scripteurs, ben c'est là que la scène elle change réellement puis qu'on s'en va vers autre chose. Puis moi, je pense que justement... Puis tu sais, quand on parlait des événements qui se passent présentement, c'est que ça crée des chocs. Tu sais, Bernard parlait souvent des chocs à l'ego, des chocs à l'âme. Mais ces chocs-là, c'est de l'énergie. C'est des cellules qui ont un impact d'énergie d'une shot. Puis que toi, qui est polarisé ou qui tend à se dépolariser, peut avoir comme opportunité de prendre ce choc d'énergie-là pour justement venir nourrir son double ou pour la diffracter puis nourrir les plans. C'est du 6. C'est ça. Oui, exactement. C'est tout dépendant de ce que l'être humain fait de l'impact du choc sur lui. T'sais. Il peut l'utiliser créativement pour monter en vibration, puis se développer dans son rapport d'autorité par rapport à l'occulte, puis constituer son corps d'énergie. Mais aussi, il peut utiliser ça pour se dévitaliser naturellement. Là. Donc, des fois, les gens vivent des chocs, puis là, après ça, ils se sentent dépressifs, ils se sentent impuissants, puis après ça, ils comprennent pas pourquoi, rendu passé 50 ans, ils ont des problèmes érectiles, tu sais. Ouais, c'est ça. je fais une caricature, mais à peine, là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout dépendant comment que l'être humain traite le choc, dans le sens qu'il y a un concept en psychologie qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité d'encaisser les chocs au lieu de se faire démonter par eux puis sombrer dans la tristesse, la dépression, un état d'impuissance, de victimite, qu'on peut dire. Donc, c'est ça, c'est important de composer intelligemment avec les chocs pour utiliser l'énergie du choc pour la retourner, entre autres, contre l'esprit, puis monter en autorité, puis en puissance énergétique. C'est sûr que c'est facile pour moi de l'énoncer, là, mais dans la vie de tous les jours, c'est là le terrain concret que je vois à quel point j'ai intégré ou non par rapport à mon rapport à l'esprit, parce qu'il y a des choses qui vont me décentrer. À un moment donné, je réussis à être plus stable. Après ça, oups, une autre affaire arrive, puis là, c'est l'autre affaire qui me descende. Oui, c'est ça, mais c'est constant, hein? Oui, exactement. Les pains ne prennent pas de break. Mais non, exactement, parce qu'il faut comprendre que... C'est ce que tu fais en ce moment. Oui, ben c'est sûr que dans le cadre de la crise du COVID-19, du coronavirus... Il dure depuis plusieurs mois. Il y a une tension énergétique qui est là au niveau de l'ensemble de l'humanité, surtout dans les pays occidentaux avec les médias là, qui relaient tout le temps l'idée là, que le coronavirus est grave et dangereux. C'est-à-dire depuis le mois de mars dernier qui crée une tension mondiale extrêmement puissante. Et j'étais curieux de savoir, toi, par rapport à cette crise-là, où est-ce que tu en es présentement dans la manière que tu composes avec elle? Ben moi, au début, je m'en foutais. À un moment donné, j'ai été dans les théories du complot. J'ai été dans... les complots comme qu'on en entend à TV, les francs-maçons et tout ça, parce que moi, je me dis que c'est impossible que la planète au complet soit capable de s'entendre pour mettre un virus. C'est sûr qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a sûrement des structures occultes qui se rattachent à ça. Mais à un moment donné, je me suis dit que si je mets mon point de vue justement sur le style de marde qui se passe présentement, au lieu de regarder Soumoué, mais je passe à côté de ce que j'ai regardé, tu sais. C'est sûr qu'en ce moment, c'est chiant, tu sais, ils nous coupent les fights, ils nous coupent les ci, ils nous coupent les ça, mais c'est là qu'on voit justement le fait qu'ils nous disent qu'ils nous coupent les fights. Puis si ça nous débalance tant que ça, c'est qu'on accorde beaucoup de valeur à des fights qui sont justement basés sur des trucs involutifs ou spirituels ou sur des religions, tandis que Chris, on a du temps en masse, pareil, pour être avec notre famille ou des trucs comme ça. Puis je me rends compte que... Ben, attends une minute. C'est sûr que si on met ça en contexte par rapport au Québec, tout rassemblement est interdit. Fait que c'est pas juste pour célébrer Noël, là, c'est... Ouais, non, je sais bien, mais je veux dire, il va finir à un moment donné, ce virus-là. Là. Je pense pas qu'on est en 50 ans non plus. Ben, en fait, ça pourrait être sujet de discussion, parce que depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des virus. Puis les coronavirus, il y avait eu le SRAS-1 il y a plusieurs années. Puis le point, c'est que les virus mutent. Puis tu sais, je regardais récemment, il y avait un article qui expliquait que par rapport au vaccin, ça se peut que le vaccin soit valide pendant un certain nombre de mois, étant donné que le virus peut muter. Fait que l'histoire de qu'il y a une fin par rapport à justement aux mesures sanitaires qui isolent les gens, je ne sais pas comment que ça va se faire la sortie. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, j'aimerais ça qu'il y ait une sortie rapide avec l'arrivée d'un vaccin pour certaines personnes qui vont le prendre. Moi, je ne suis pas intéressé à le prendre, mais bon. C'est sûr. Mais la façon que je vois ça, c'est qu'il y a d'autres forces qui tirent profit de ça. Dans le sens que pendant que les gens sont occupés à se préoccuper de la menace du virus, etc., c'est comme un buffet à volonté par l'astral, parce que les gens ont tendance à s'astraliser, à sombrer dans la peur, l'anxiété. La colère. Exactement. Puis la colère ici diffractée, là. Donc, il y a peu de gens qui utilisent la puissance de l'opposition que peut représenter la menace du virus à l'individu comme tremplin évolutif pour monter en autorité dans son rapport avec l'esprit. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent même pas que l'esprit existe, tu sais. C'est ça. Ils savent pas qu'ils le savent, en fait. C'est ça l'affaire. Ah, vas-y. Moi, je pense qu'il n'y a pas un humain sur la Terre qui le sait pas, sauf qu'il y a des humains qui sont plus... Comment je pourrais dire ça? Sont tellement sûrs qu'ils ne le savent pas qu'ils veulent même pas le savoir. C'est ça, hein? Ben, il y a des gens qui font du déni. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a des choses, mais ils veulent pas le reconnaître. Puis la partie 2 qui ne veut pas le reconnaître, c'est le plan astral qui les habite, qui va chercher à discréditer l'esprit pour maintenir son influence, son chevauchement sur l'individu. Comme tu vois, ma mère, elle voit, moi, parce que je dirais que si le COVID puis tout ça m'a apporté quelque chose, moi, pour vrai, la conscience, il y en a beaucoup qui disent que ça les éloigne de leur famille, mais moi, justement, ça m'a amené à développer une très, très, très grande sensibilité par rapport à mes proches. OK. Parce que je me rends compte que ces gens-là, ils voient pas la vie comme moi, puis que je peux pas leur demander, moi, je peux pas leur dire, hey, la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, s'ils n'ont pas, de un, envie de voir la vie comme ça. Puis de deux, s'ils n'ont pas les structures psychiques pour encaisser le fait que la vie c'est comme ça peut premièrement les rendre fous. Puis deuxièmement, moi je veux pas que ma famille a perde la boule. Je veux une famille qui peut aller jusqu'au mieux de son incarnation. Si je peux amener un apport psychologique au moins avec ce que je sais, parce que tu sais, comme je l'ai déjà dit auparavant, j'ai beaucoup étudié la psychologie de sa grande simplicité jusqu'à la psychologie évolutionnaire, tu sais, puis. Je me rends compte que si d'une manière ou d'une autre, juste par mon verbe, je peux l'aider à sa mesure au lieu de l'aider à ma mesure, je vais faire plus de choses que. Ça, c'est s'il me le demande, premièrement, parce que Ben j'ai c'est pas là que toujours son. j'allais en venir parce que ça me disait intérieurement, y a-tu vraiment à l'aider? C'est parce que moi, je vis dans une famille où est-ce qu'on se regarde beaucoup, puis qu'on t'sais, on est dans le travail personnel d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est sûr qu'on se parle, puis on est proche dans ce côté-là, beaucoup plus maintenant qu'avant. Puis je me rends compte que je suis beaucoup plus sensible à leur regard puis à ce qu'ils vivent parce que je le sais qu'est-ce qui se passe en arrière, tu sais, que avant quand j'étais dans mes complots ou des affaires de même, parce qu'au début j'étais dans le gros complot là, des gouvernements puis tout ça, puis ça a créé un énorme énorme gouffre entre moi puis ma famille, puis c'est là que je me suis reviré de bord, puis j'ai dit quoi qui se passe, puis Mais là, c'est c'est là qu'ils parce que sont toi, rentrés. tu leur as dit que tu étudiais les complots qui sont amenés par du Oh non, monde. non, non, non, même pas, je leur disais OK. pas, c'est juste que ça paraissait. Tu sais, ils en parlent aux nouvelles des complotistes, puis que là, moi, des fois, je faisais des soupirs en avant des nouvelles, puis mon opinion, tu sais, je disais pas, je leur parlais pas des complots, parce que moi, j'ai pas été jusqu'en profondeur là, je sais que ça peut atteindre la santé mentale des gens, là. Mais, tu sais, je suis informé, tu sais, je m'informe de tous les points de vue possibles avant de savoir qu'est-ce que moi, j'en pense, puis après ça, je vais voir avec mon esprit si ça fait du sens ou. Puis, au début, j'étais pas mal dans mes positions, polarisées. Ça m'a pris un bout avant de regarder. Quand j'ai vu quelqu'un qui est aussi polarisé que moi, dans mon point de vue, j'ai fait, OK, mais je peux pas continuer de même, tu sais. Puis à un moment donné, c'est là que j'ai regardé mes parents, puis là, j'ai regardé ma mère dans ses yeux, puis là, je suis rentré en vibration avec elle, puis j'ai vu. T'sais, je peux pas mettre des mots là-dessus, mais j'ai vu en arrière qu'est-ce qui se passait énergétiquement avec ma mère, puis c'est là que j'ai ressenti l'amour en dedans de moi, tu sais, dans toutes mes cellules en même temps, c'était malade. Honnêtement, là, c'était quelque chose. Ben, c'est sûr que le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain doit primer sur celui du désir subjectif d'avoir raison par rapport à Ouais, c'est ça. qu'est-ce qui se passe, puis c'est-tu un complot, est-ce que le virus a été créé ou non en laboratoire, t'sais. Ouais. Moi, dans le fond, peu importe, la priorité lorsque je suis avec un être humain, ce que je vise, c'est être présent à lui, puis t'sais, comment dire, je ne cherche pas à y imposer une vérité. En Non, tout c'est cas, ça. mon objectif, c'est ça, je fais attention à ce que je dis, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait certains comportements. Il faut quand même être capable d'être très autocritique. C'est ça. Mais le point, c'est que présentement, la période liée à la crise du coronavirus est très propice à la division sociale. C'est-à-dire qu'il y a C'est des ça. gens qui vont être pro les mesures sanitaires, que certains vont appeler des COVID anxieux, puis d'autres, au contraire, ils vont s'y opposer. Ce que certains vont être appelés des COVIDo-sceptiques. Covidos Comment? frustrés. Aussi, peu importe, tu sais, on peut créer des noms, des catégories entre les. Tu sais, il y a des gens qui vont parler, ah, il y a des moutons, ah, il y a des éveillés, il y a les Ouais, c'est ça. complotistes, il y a les Moi, je pro-masques, veux les juste dire une anti-masques. affaire, Oui. là. Quelqu'un qui compte des moutons, c'est pas mal celui qui s'en va s'endormir, hein? Oui, puis celui qui croit au mouton, ben il est endormi. Ouais, c'est ça. Non, mais celui qui compte les moutons, c'est celui qui est sur le bord de s'endormir. Je dis ça de même, là. Mais pour Oui, moi. c'est intéressant ce que tu dis, je viens de le capter. C'est-à-dire Ouais? que, dans le fond, la personne qui a un orgueil spirituel a dit, moi, je suis plus évolué que les autres, c'est des moutons, puis il est Ouais, contre, puis en disant, exactement. moi, je suis plus évolué que lui, puis lui, puis lui, puis il est point du doigt, ben son orgueil est en train justement de l'endormir. Ouais, exactement, c'est ça que je dis. Puis en même temps, moi, ce que je vois présentement, c'est juste des êtres humains qui réagissent à une situation qui sort de leur cadre, Oui. au maximum de leur capacité selon les croyances qui les conditionnent ou selon leur façon de voir les choses. Puis moi, objectivement, je me dis que mon point de vue, même mon point de vue, j'y crois pas. Fait que est-ce qu'on ce que je veux dire? Oui, ben c'est intéressant parce que comme Bernard de Montréal, il disait l'importance de ne pas croire est à un point tel que même ce qu'il dit, il ne croyait pas. Ouais, mais je commence à comprendre ce qu'il dit. Puis c'est là que je me rends compte que le mot, c'est juste un. Tu sais, je m'en fous à cette heure, je peux pogner mon crayon, puis je me mets à écrire, puis je m'en calisse de ce que j'écris. Pourquoi? Parce que je me dis que, ben, quand que je vide ma cache mémorielle, mon astral personnel, ben là, il y en a d'autres qui vont sortir. Puis là, là, je vais revider, il va en avoir d'autres. Là, je vais revider, il va en avoir d'autres. C'est comme, tu sais, quand à un moment donné, il a fait son entrevue pour lire son livre, il a dit, moi, je veux pas relire mon livre parce que j'étais à cette vibration-là quand je l'ai écrit, puis je suis plus à cette vibration-là à cette heure. Oui, Mais quand c'est il y ça. avait eu le lancement de la Genèse du Réel, il était Ouais. interviewé par Richard Glenn, puis lui, il essayait à plusieurs reprises de faire lire son propre livre, puis il voulait pas. Ouais, c'était vraiment drôle. Fait que finalement, c'est François Payotte qui s'en déchargeait, là. Ouais, c'est ça. Mais le point de Bernard là-dedans que je trouvais intéressant, c'était l'idée que quelqu'un qui est dans une conscience créative, il n'est pas intéressé de vivre du mémoriel du passé, et cela, C'est ça. même si c'est ce qui provient de lui, tu sais. Ouais, Ça c'est ça. montre à quel point il était détaché par rapport aux formes que générait dans le passé. C'est là qu'on voit à quel point je suis prêt à me libérer du connu, tu sais. Moi, il y a des concepts, tu sais, comme le concept du tout ou le concept du... Il y a plein de concepts que... Même le concept de l'amour, moi, je me dis que ou de l'intelligence. Comment je peux me dire intelligent? Il me semble que quand je vais le savoir hors de tout doute. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que ces principes-là, je le sais que ça fait pas longtemps que je suis en train d'intégrer ces certains principes-là, puis je le vois l'ajustement de mes corps. Mais je le vois aussi que je vais le savoir à 100% hors de tout doute raisonnable. À cette heure, tout ce que j'ai intégré, j'ai aucun doute là-dessus, sauf qu'il y a des. Je veux pas être dans la croyance de ah, oh, j'ai atteint l'intelligence, ah, oh, j'ai atteint tel. Je veux être dans le savoir. Comment je veux dire? Ouais, tu vas être dans le savoir, sauf que le point, c'est que la minute que tu crois être dans le savoir, tu peux te faire avoir, c'est ça C'est l'affaire. ça, c'est exactement ça. Puis, je veux pas dire que je veux être dans le savoir dans le sens de une volonté égoïque, mais dans le sens de je veux pas me prétendre être dans le savoir tant que je le suis pas. Fait que j'aime mieux juste parler. Puis à un moment donné, ça va sortir de ma bouche naturellement, puis ça va être le temps. En attendant, tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce que je sais, puis ce que je sais pas, je le sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement. Ben, c'est sûr que dans mon cas, pour éviter justement qu'il y ait des abus, j'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre d'enregistrement aux gens, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même Ouais, c'est ça. pour protéger les gens de ma personne, parce que si à un moment donné, ce que je canalise manque d'ajustement, ben, à ce moment-là, en disant que de pas croire ce que je dis, ben, ça fait en sorte que les gens ne seront pas victimes de ça. Puis à double tranchant aussi, c'est que quand tu écoutes quelque chose, tu l'écoutes avec tes filtres perceptifs à toi, fait qu'on le sait même. Tu sais, qu'est-ce qui me dit que moi, j'ai entendu une phrase que lui, au moment qu'il le dise, ou que toi, au moment que tu le dises, veut dire la même, que tu as mis la même énergie que moi. Tu sais, mettons, moi, j'ai mis de l'énergie dans certains mots, certains mots, certains mots, selon mes croyances. Puis toi, tu dis une phrase avec ces mots-là, mais toi, tu mets une autre énergie totalement. Mais comment je peux savoir que je t'ai compris? Puis c'est là que on apprend avec le temps à développer des conversations à partir de l'énergie derrière le mot et non du mot en général. Puis ça, je pense que c'est ça de la vraie télépsychie ou de la vraie télépathie. 100% d'accord avec toi, c'est la capacité de traiter avec la vibration derrière la forme. Tu sais, ça me faisait penser un petit peu par rapport à Guylaine Langteau. C'est une Québécoise, puis elle utilise le concept de dyès. Elle a fait une fusion entre le mot Dieu et déesse, puis elle appelle ça dyès. Puis elle va parler de l'âme, mais le sens qu'elle donne à l'âme me fait beaucoup penser au sens que Bernard donne à l'esprit. Fait que là, tu sais, quand que je discute avec elle de certaines personnes, il y a des gens, ben là, ils vont me dire, ben là, elle parle de l'âme. Là, je dis, non, non, vibratoirement, regarde, elle parle, quand elle dit le mot âme, ça veut dire Ah ouais. l'esprit pour Bernard, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que si on s'accroche trop auprès des formes, ben, ça fait en sorte que la communication est figée et polarisée. Tandis que si on évoque la Exact. vibration, même si on n'utilise pas les termes d'un même lexique, on peut se comprendre pareil. C'est pour ça que j'ai remarqué que la plupart des livres de supramental que j'ai lus avaient un lexique de la définition qu'ils donnaient aux mots à la fin de leur livre. Puis je pense que ça, c'est très, très, très important. de quand on utilise des mots avec quelqu'un. Tu sais, comme la première rencontre qu'on a faite, t'as pris le temps de me demander c'était quoi pour moi de l'âme, c'était quoi pour moi de l'esprit, c'était quoi pour moi de l'ego. Puis là, à cette heure, on a quand même des bonnes bases, puis on apprend à échanger, puis vibratoirement, ça s'ajuste. Exactement. C'est là que l'ouverture est de mise, selon moi, parce que quand t'es juste enfermé dans tes principes, qu'ils soient supramentaux ou pas, ben, si t'es pas ouvert à ce que l'autre va te dire, tu vas toujours trouver des failles dans l'autre. Tandis que si t'es ouvert, déjà, tu vas être capable de te reconnaître dans l'autre ou tu vas être capable. Moi, des fois, j'écoute des gens, là, qui, juste parce que je suis ouvert, qui me parlent des choses qui m'intéressent ou pas, dans ma tête, à moi, mon esprit, il met en lumière des choses à travers ce que la personne dit, comme quoi ce serait mon esprit qui m'aurait attiré à ça d'une façon ou d'une autre. Oui, exactement. Ben, l'esprit sert des gens de notre environnement pour nous passer des fois des messages qu'on ne veut pas entendre parce qu'on n'est pas assez disponible à écouter notre voix intérieure. Fait que des fois, je suis mis en vibration pour rencontrer certaines personnes qui m'amènent à réaliser certaines choses que des fois, je ne veux pas voir. Des fois, je suis en évitement, tu sais, mais il faut être capable de s'accueillir là-dedans puis d'être transparent puis autocritique, là, tu sais. Non, la maudite transparence, hein? Oui, mais c'est utile d'être transparent parce que sans ça, il n'y a pas d'évolution réelle de l'ego qui peut se faire. Parce que tant que l'ego est sous l'opacité, entre autres des formes anciennes, du mémorial, de l'astral, l'ego à ce moment-là est tout simplement soumis à des influences qui l'échappent. C'est ça. Puis le piège, c'est surtout les nouvelles formes, hein? Parce que Ben les oui. nouvelles formes, ils sont belles en maudit. Je veux dire, on a un nouveau lexique qui est déjà plus mental, sauf qu'on peut astraliser le nouveau lexique. C'est là que ça devient très, très, très dangereux. Oui, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre, par exemple, l'instruction de Bernard de Montréal puis vouloir en faire une nouvelle religion, un peu comme le petit catéchisme associé à l'Église catholique. Donc, autrefois, les gens croyaient à la Bible, puis là, les gens vont croire aujourd'hui aux Saintes Écritures de Bernard de Montréal, dans certains cas. Oh mon Dieu. Ben oui. Ben, ça dépend. Encore là, tu vois, ça dépend de la vibration que tu mets au mot religion, parce que à la base, le mot religion servait, ça voulait dire relier. Sauf que Oui. le problème des religions, ça voulait dire relier au plan à l'invisible, tout ça. Sauf que le problème des religions anciennes, c'est qu'ils nous reliaient à l'invisible avec des valeurs émotives, donc avec des valeurs astrales. Tandis que si là, on est plus dans un mode de reliance mentale, c'est-à-dire que c'est plus par le plan mental qu'on se relie au plan de la lumière, au lieu d'être par le plan de l'émotion qui nous assujettit totalement à ce plan-là. Oui, exactement. C'est un rapport qui est différent. C'est sûr que, bon, le rapport, à mon avis, qui doit être établi entre, par exemple, l'instruction de Bernard de Montréal puis l'individu, c'est au niveau vibratoire et non pas dans la mémorisation de formes qui ont été Ah ben dites non. à travers ses écrits, puis là, de répéter ça comme des perroquets. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on peut évoquer des principes, à ce moment-même, je le fais souvent en invoquant le principe que la pensée vient d'ailleurs. C'est ton principe de base. C'est ça exactement, parce qu'il y a une réalité vibratoire derrière ça. Mais, tu sais, je veux pas être un disciple de Bernard de Montréal dans le sens de Non. citer Non, que... c'est ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, l'homme va. À un moment donné, on n'aura plus besoin de nouveau de Bernard parce qu'il va avoir plein de petits Bernard ou plein d'êtres humains. On n'aura même plus besoin de dire le nom Bernard de Montréal parce qu'on va avoir plein d'individus qui vont être capables d'échanger entre eux autres. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, c'est encore une science qui est nouvelle sur la Terre, puis on utilise un référentiel qui est quand même assez marquant. Sauf que moi, je suis sûr que cette science-là est encore embryonnaire, puis qu'il y a des, il y a des belles, il y a des... Si l'être humain décide de se regarder, en tout cas, si je, parce que c'est ma réalité, c'est la seule sur laquelle j'ai un impact. Exact. Si dans ma réalité, j'arrive à me conscientiser, je sais qu'à un moment donné, j'aurai plus besoin d'un référentiel du passé, même si c'est un passé qui parle de l'avenir. J'aurai plus besoin de ce référentiel-là à un moment donné, puis je vais être capable de devenir à 100% mon seul maître, puis je vais être capable de parler par moi-même, puis par ma vibration, et mettre comment je peux dire ça? D'émettre une parole qui est vraiment un verbe qui est vraiment vibrant puis qui peut manifester sur le plan matériel ce que j'ai besoin de savoir. Oui, exactement. C'est que tu vas être capable de t'auto-générer sur le plan vibratoire sans avoir besoin du support vibratoire de Bernard pour te Non, c'est rehausser ou ça. de d'autres personnes qui ont véhiculé de la conscience. Ouais. Ben moi, je Parce... pense Oui? que, mais en contrepartie, je pense que. En début d'instruction ou en début de conscientisation, c'est vraiment bon d'avoir un certain support ou une certaine instruction parce que j'en vois beaucoup qui auraient tendance à cracher sur l'instruction ou qui auraient tendance à renier ce que les gens ont dit puis partir sur leur orgueil spirituel puis se planter bien raide. J'en ai vu une couple. Oui, bien, c'est sûr que l'instruction de Bernard peut avoir une utilité, mais en autant que ça soit temporaire, que l'individu n'en fasse pas une dépendance. Donc, Non, c'est ça. c'est ça. C'est sûr que le point, c'est que, tu sais, Bernard a un taux vibratoire très élevé, fait qu'à ce moment-là, si l'individu se développe, il a un taux vibratoire à la base plus bas, bien, ça peut lui donner une inspiration, tu Et sais. on dit Bernard, mais ça peut être autant que ça peut, que l'instruction vienne de moi, que l'instruction vienne de toi, que l'instruction vienne de n'importe qui passe dans ce. On s'entraide, tu sais, c'est comme si lui, ça a été le premier qui a passé, après ça, il y en a eu d'autres, après ça, il y en a eu d'autres, puis là, aujourd'hui, on est ceux qui parlent, tu sais, c'est comme. Ça se transmet à l'oral, puis ça se transmet, ça va se transmettre. Il va y avoir des livres qui vont être écrits, ça, c'est sûr et certain, là. Il y a déjà des livres qui ont été écrits, puis là, il... Exactement. tu sais. C'est ça. Puis la forme moderne des livres, ça passe entre autres sur le web, c'est-à-dire les échanges qu'il y a entre autres dans le groupe du Verseau, là. Comment que tu appelles ça encore? Verseau, je me Le rappelle. verso des Le choses. Verseau des choses, exact. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent, vous pouvez aller découvrir ce groupe sur Facebook où il y a des gens intéressants, entre autres que j'ai découvert. Puis il y a des beaux échanges entre les gens. Fait que moi, l'évolution, la façon que je la vois, c'est qu'autrefois, les gens véhiculaient des choses par l'écriture à travers des livres. Sauf qu'il n'y a pas nécessairement des échanges avec les lecteurs. Sauf que des fois, ils pouvaient s'envoyer des lettres par la poste, mais c'était compliqué. Tandis que là, sur un forum de discussion comme Facebook, avec le groupe Le Verseau des choses, entre autres, puis il y en a d'autres aussi, ben c'est un échange beaucoup plus instantané, beaucoup plus direct avec la rapidité que nous donnent accès les médias sociaux. Donc, j'ai l'impression que ça a évolué à travers cette forme-là présentement, les groupes sur les médias sociaux. Puis, c'est un rapport différent, dans le sens qu'aujourd'hui, des conférenciers dans le domaine du supramental qui vont donner des conférences devant des salles, ben, de toute façon, à cause de la crise du COVID, ils ne peuvent plus, là, les réunions sont Non, c'est ça. interdites. Mais je veux dire, la forme qu'il y avait dans le temps de Bernard, où, par exemple, lui donnait des conférences, puis il pouvait avoir jusqu'à 500 personnes dans une C'est fou, salle qui hein? allait l'écouter, là, c'était beaucoup. Donc, ça, dans les années 80, la façon qu'était paramétrée les choses, c'était ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet de Non, c'est ça. disponible. Tandis qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est comme si Internet devient la salle de conférence, puis là, on Ouais, est. c'est ça, hein? Ça serait cool. Oui, Mais moi, je exact. suis sûr qu'il va en avoir d'autres, des conférences, puis des gens qui vont parler, puis, tu sais, c'est sûr y a des gens qui parlent encore aujourd'hui, puis je les trouve très pertinents, puis moi, je trouve que les gens, avec les personnes qui parlent aujourd'hui, les gens sont très intransigeants parce qu'ils reviennent à la... Tu sais, ils retournent beaucoup à... Ils font beaucoup référence au côté tranchant de Bernard, puis la difficulté, puis je pense que Bernard, dans le temps, il était très tranchant, puis il était très dur, si on peut dire, parce que les gens étaient très, très, très... C'est pas comme aujourd'hui, là. Les gens, dans les années 80, 90, 70, là, ils étaient très accrochés aux formes religieuses. Ben Ils étaient oui. très accrochés à l'astral. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'astral, on peut déjà plus s'en servir. On n'est plus assujetti à l'astral comme qu'on l'était. C'est sûr que oui, psychologiquement, on l'est un peu à nos émotions puis tout ça. Mais c'est plus ce que c'était v'là 50 ans, là. Puis je pense que l'instruction est rendue ailleurs. Puis il y a des gens qui parlent différemment puis qui parlent de d'autres choses. Puis ces gens-là, je vois que le monde sont durs avec eux. Ça, je trouve ça ordinaire. Oui, ben, je suis d'accord avec toi aussi. Tu sais, s'il y a des gens qui empêchent, par exemple, des gens à prendre la parole parce qu'ils comparent tout le temps à Bernard, en disant, ah, ben, c'est pas aussi bon que Bernard, c'est pas aussi bon que Bernard, mais c'est, tu sais, si la personne est tout le temps dans un esprit de comparaison. Premièrement, être dans un esprit de comparaison, c'est de la réflexion. La personne est dans l'astral. Fait que de faire ça, pour moi, c'est inintelligent. Puis, je préfère discuter, entre autres, avec des gens que j'interviewe ou moi-même faire des enregistrements, quitte à ce que ça soit imparfait, puis au moins être en action, plutôt que de dire, ah ben Bernard a fait une œuvre parfaite, puis je vais rester assis couché sur mon divan, puis je vais juste écouter du Bernard pour le reste de ma vie, tu sais. Et pas, hein? Mais non, mais c'est ça, Bernard c'est parce qu'il. se retrouverait dans sa tombe. Mais non, mais c'est ça, mais il faut que la parole soit vivante, puis c'est à travers. C'est sûr que si on parle, on peut faire des erreurs, mais le point, c'est de continuer à être en action. C'est un petit peu comme quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument de musique, comme de la guitare ou le violon. C'est sûr qu'au début, la personne risque de faire des fausses notes. C'est normal, ça fait partie du processus Ouais, c'est ça. d'apprentissage. Mais il faut se donner le temps, puis il faut être indulgent envers soi-même, puis c'est en persévérant qu'on peut se perfectionner, puis qu'il y a un raffinement, puis ça devient de plus en plus ajusté, puis ça fait de plus en plus de la belle musique si on utilise un instrument, puis on se pratique. Tu sais, tantôt, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, là. J'ai dit que ce serait peut-être bon d'avoir une instruction pour un certain temps, mais il y en a qui n'ont jamais fait face à une instruction, puis c'est correct aussi, tu sais, dans le sens que c'est personnel à chacun. Puis, le fait d'avoir une instruction, ça peut devenir un piège dans le sens de, tu sais, comme qu'on disait, les formes, là, quand il m'en est un langage. Puis là, tu vas rencontrer quelqu'un dans le monde qui a jamais eu d'instruction de sa vie, mais qui dit la même crise d'affaires que toi avec ses mots à lui. Puis ça, c'est dangereux parce que ça peut permettre à quelqu'un de se sentir perdu dans ce qu'il sait, puis de renier son savoir juste parce qu'il n'y a personne. Tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé avec Einstein. Pendant toute sa vie, lui, il était seul avec son esprit, puis il nous a amené plein d'affaires, puis personne ne l'a cru, puis vers la fin de sa vie, il doutait, puis il pensait qu'il ne savait pas. Je connais pas assez Einstein, mais en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que quelqu'un qui est très intelligent, qui a une conscience très développée, lui, c'était dans le domaine, entre autres, des mathématiques. Ouais, de C'est la sûr. science aussi. C'était le premier de la physique quantique, je m'en souviens, les premiers. Ben, il y a eu Max Planck aussi, Ouais. mais Einstein, je pense que c'est la théorie de la relativité générale. Mais en tout cas, bref, en effet, il a fait sans doute des développements scientifiques importants, sauf que les gens de son environnement n'avaient pas la capacité de comprendre l'essence de son propos. Fait qu'il avait à contenir seul son intelligence, un peu comme C'est Bernard de ça. Montréal ou d'autres génies. Fait que c'est sûr que c'est problématique, mais c'est pas parce que les gens ne le comprennent pas que c'est pas réel. Puis Non, c'est d'ailleurs, ça. l'histoire y a donné raison à Einstein avec la théorie de la relativité Entre puis autres. E égale MC2. Ouais. Mais c'est une question d'intégration. Sans doute, Bernard de Montréal. Dans le fond, dans 2500 ans après 1969, il va être quelqu'un de reconnu, un peu comme Einstein. C'est drôle, hein? Je lisais tantôt parce que je suis en train de Oui. faire une adaptation audio de son dernier livre, puis ça disait dans l'avant-propos que certains gens qui ont fait des prophètes dans l'époque où des prophéties, dans le temps où ils ont parlé, ils étaient même pas reconnus. Puis là, tu me dis exactement ce qu'ils disent là-dedans, tu sais, je trouve ça drôle. Oui. Ben, en fait, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui ont été en avance sur leur temps et c'est dans le futur qu'ont eu la reconnaissance sociale. C'est sûr que si on prend ça sur le plan artistique, des fois, c'est un petit peu déprimant. Si je pense au peintre Van Gogh, qui avait peint une belle peinture des tournesols, puis qui a de la difficulté à arriver quand il faisait de la peinture lorsqu'il était en vie. Il a vécu de la pauvreté et puis, une fois décédé, ben ses peintures valent plusieurs millions de dollars. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est très révoltant pour tu sais, un artiste qui vit toute sa vie, mettons, sur le seuil de la pauvreté, puis une fois qu'il est mort, ça vaut une fortune, puis c'est dans des gros musées, puis tu sais, il est reconnu internationalement là, par la qualité de sa production artistique. Donc, Oui, tout le monde connaît Van Gogh aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. oui, exactement. Sauf que le point, c'est que quand il était vivant, il n'était pas connu de tout le monde. C'était une minorité qui pouvait le connaître puis apprécier sa qualité artistique. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les initiés, mais dans d'autres domaines. Tu sais, si on pense Ouais, à c'est ça. Bernard de Montréal, il y a eu des philosophes, tu sais, qui ont été découverts plus tard, et ainsi de suite. Mais le problème des gens, qui sont des C'est comme précurseurs. Steiner. Oui, Rudolf Steiner. Personne connaît ça, Steiner, mais Steiner, il disait un peu la même chose, peut-être pas aussi loin, mais il disait, tu sais, ça a été le premier, je pense, qui a dit qu'il fallait pas croire. Il a amené beaucoup de choses, Steiner, puis personne ne le connaît. Ben, très peu de gens qui le connaissent en effet, là. C'est sûr que dans le domaine de la spiritualité, c'est comme une figure importante comme Sri Aurobindo, là. Disons dans un milieu comme ça, mais c'est sûr que si on pose la question à quelqu'un sur un coin de rue ou dans une foule au métro ou peu importe, connaissez-vous Rudolf Steiner, ça doit être très rare, là. Mais c'est sûr que tout ce qui touche à la conscience, pour quelqu'un qui s'éveille, il a supporté lui-même son individualité, surtout si c'est quelqu'un qui est un initié, qui est capable d'amener des idées nouvelles sans connaître le support du collectif. C'est ça. Donc, c'est ça le défi, tu sais, d'être capable d'amener des choses nouvelles sans que les autres te donnent une médaille, un prix, une bourse d'honneur ou même de Ouais, l'argent. vraiment. Comment? C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est sûr que plus que la personne avance en conscience, puis plus qu'elle est appelée à contenir seule sa conscience, parce que plus que le taux vibratoire est élevé, puis plus qu'à quelque part, elle se distingue de la masse qui vit pas ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est un Puis à un petit. moment donné, Oui. si le contact est ajusté à la personne qui devient individuelle, c'est sûr qu'elle va amener du neuf parce qu'elle a un point de vue de. Tu sais, vu qu'on est tous uniques dans un sens, elle va amener un point de vue qui n'aura jamais été vu sur la Terre parce que si t'écoutes les conférenciers, ils ne se ressemblent pas, là. Je veux dire, on a tout un petit quelque chose, on a tout notre point de vue. on a tout un petit vibe à apporter. On vient tous de des milieux différents. Puis on a tout à apporter notre façon de la conscience. Tu sais, il y en a qui viennent d'un milieu plus rural, d'autres qui viennent d'un milieu plus urbain, il y en a qui viennent de tel pays, c'est vaste la conscience, là. Oui, exactement. C'est sûr que le contexte de l'ego ou de la personne va teinter, par exemple, son vocabulaire. Si la personne est en Europe, elle n'utilisera pas les mêmes mots que nous autres ici au Québec. Non, c'est ça. Donc, elle n'aura pas nécessairement les mêmes jurons. Elle va pas nécessairement dire tabarnak de petite calisse. Pour les Français, la conscience, c'est un truc de ouf. Alors, voilà. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr que, tu sais, il y a un adage qui dit tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, on a un contexte socio-culturel qui va construire l'ego, mais pour ce qui est de qu'est-ce qui passe à travers l'ego au niveau de l'esprit, si c'est universel, ça va s'intercepter vibratoirement que la personne soit en Europe ou à des milliers de kilomètres au Québec. Ouais. Mais. Oui, c'est sûr, sauf que moi, je pense que la conscience, elle va décéder. Tu sais, c'est encore neuf. C'est sûr qu'on a eu Bernard dans le domaine de la psychologie, mais pour moi, universellement, on a encore beaucoup de domaines à amener de la conscience dedans. Ne serait-ce qu'encore une fois, la psychologie, ne serait-ce que le domaine de la science, le domaine de la médecine, le domaine de la physique. Je Oui. pense qu'on n'a pas fini à amener de la conscience un peu partout puis à vitaliser la matière, là. Oui, ben ça c'est clair. Dans le fond, Bernard, je le vois un petit peu comme un architecte qui a donné des bases, des Ouais, principes. c'est ça. Donc, quelqu'un qui a fait une espèce de défrichage en forêt pour enlever les plus gros arbres, la plus grosse astralité, mais après ça, ben, il y a d'autres personnes qui vont suivre, qui vont faire des sentiers, des voies, puis ça va se développer davantage. Ouais. Ça permettrait à l'autre initié, etc., etc. Exactement. De toute façon, pour moi, la façon que je vois ça, c'est un petit peu comme des grains de pop-corn. Il y en a un qui éclate, puis ensuite, il y en a d'autres, puis il y en a d'autres, puis ça s'accélère. Donc, la façon que je vois ça, c'est qu'il va y avoir un effet exponentiel en relation avec Bernard, qui est venu un peu comme une réaction en chaîne qui a occasionné. Parce que, tu sais, si lui il a formé peut-être 2000 ou 3000 gens qui ont assisté à ses séminaires, puis si les séminaristes ont été en contact avec des gens de leur environnement, que ce soit leurs compagnes, compagnons, leurs enfants, puis ils ont à ce moment-là véhiculé cette vibration-là, qu'ils ont réussi à capter puis retransmettre à partir de ce qu'ils ont capté de Bernard, ben tranquillement, ça se diffuse dans la société. Puis éventuellement, ben ça sera l'ensemble de l'humanité qui va être exposé là, par rapport à ça. Ben pas juste ça, moi, puis tu sais, on s'attendait qu'il y a eu Bernard, puis il y a eu Daniel Kemp aussi. Oui. Puis, mais sans parler d'eux autres encore, là, moi, je veux dire, je suis sûr que le cosmos, c'est vaste, là, puis il disait, les plans, c'est vaste, on sait rien encore, là. Je pense que pendant 25 ans, 25 ans sur 30, il a dit, j'ai pas commencé à parler encore, j'ai pas commencé à parler encore, puis je pense qu'il n'a pas encore commencé à parler aujourd'hui en 2020, tu sais. Je Ben, pense que... ouais, dans un sens, mais en même temps, tu sais, je vois ça à travers son propos, j'ai pas encore commencé à parler, je le sentais comme perfectionniste, tu sais. Non, moi je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'homme, c'est que il pouvait pas dire tant de choses que ça parce que les gens, parce que ça aurait pu déranger certaines personnes. Si tu dis aux gens qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, ou tu leur dis qu'est-ce, puis je parle pas nécessairement de l'astral là, je te parle des plans plus hauts, puis ces choses-là, ça peut l'amener dans un état de fascination. Puis il y a des choses qui devaient pas être dites dans ce temps-là Ah parce que oui, ben c'est sûr, pour protéger le public, comme par ben exemple, oui, c'est ça. lorsqu'il avait été interviewé à CKVL par Richard Glenn, il voulait pas se prononcer sur la Sainte Vierge, tu sais, Ouais, à c'est ça. savoir si la Sainte Vierge est un extraterrestre ou non. Parce qu'il voulait pas mélanger la religion avec l'ufologie. Puis Ouais, c'est dans ça. les années 80, c'était sage de le faire. Par contre, en 2020, tu vois, près de 40 ans après, ben là, je trouve que c'est comme plus approprié là, de faire la distinction entre les deux. Puis les gens sont moins religieux aussi au Québec. Ouais, c'est ça. Ouais, ils n'ont un peu plein le cul. On est rendu laïque, là. Je pense que ça a été voté laïque. On a même plus le droit d'avoir des monuments religieux nulle part. Ben, pas à ce point-là, mais je veux dire, le crucifix a été sorti de l'Assemblée Ouais, c'est ça que je voulais dire. nationale. Et c'est sûr qu'il y a il y a un mouvement de la laïcité qui est là au Québec qui fait en sorte que, par exemple, les gens en position d'autorité, comme par exemple un juge, un professeur, n'ont pas à apporter des signes ostentatoires associés à la religion, c'est-à-dire qu'ils sont visibles là, comme une grosse croix là, dans le cou, là. Donc, il y a des mesures comme ça. C'est sûr que ce qu'on regarde, si on regarde par rapport à ce qu'on vit présentement, en ce mois de décembre 2020, c'est le gouvernement qui dit à un peuple que la fête de Noël, qui est une fête religieuse qui était célébrée à chaque année, cette année, non, vous ne fêtez pas Noël. Et là, les gens, il y a un peu de contestation, mais pas tant que ça. Tandis qu'on aurait pris le même peuple, sauf de dire ça avant la Révolution tranquille, dans les années 60 au Québec, ça n'aurait pas passé. Il y aurait eu des émeutes dans la rue. Ça aurait été incroyable qu'est-ce qui serait passé. Ça montre à quel point que les gens sont plus détachés de la religion qu'il y a à peu près 60 ans. Oui, c'est ça. Exactement, parce qu'autrefois, les gens allaient à la messe tous les dimanches, là, avant les années 60. La plupart des Québécois, tu sais, parlaient de la religion. Quand ils disaient le mot « la religion », c'était la religion catholique, ça sous-entendait. Les gens se mariaient, faisaient baptiser les enfants. Ça aurait été impensable de voir, par exemple, le premier ministre du Québec de dire ça au peuple québécois. Ça aurait été une grosse révolution. Là, ça aurait descendu dans les rues. Puis... C'est sûr et certain. Exactement. Là, c'est un petit peu comme, par exemple, si on dirait aux talibans, en Afghanistan, là, sont quand même assez fanatisés, radicalisés, ben à cause du coronavirus, vous allez plus aller faire vos prières puis aller à la mosquée. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. Je suis pas mal sûr que si on dit ça aussi aux gens en Arabie Saoudite, là, on va avoir une révolution. Si on empêche des peuples qui donnent beaucoup d'importance à la religion, de la pratique religieuse, parce que ça fait partie de leur identité fondamentale, ben ils risquent d'avoir une réaction extrêmement forte. Mais ça fait partie de la personnalité du peuple aussi. Oui, exactement. Chaque peuple a une personnalité qui lui est propre par rapport à sa collectivité. Lorsque le peuple entre dans sa personne, ben, il y a une disparition de la personnalité, c'est-à-dire que l'astralité associée au mémoriel du passé est neutralisée. Mais pour en venir là, il faut qu'il soit constitué d'êtres, d'individus qui sont dans leur personne également. Oui, c'est ça. Puis ça va se faire... Ça va se faire un peu partout, mais ça va se faire graduellement, ça va se faire à des endroits stratégiques dans un certain ordre, tu sais. Oui, exactement. Moi, ce que j'observe, c'est sûr que le peuple québécois, comme le disait Bernard, c'est un peuple qui historiquement a peu de mémoire, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus de mémoire à déloger pour intégrer l'esprit. Puis à ce moment-là, ben ça favorise le processus pour qu'il y ait moins de résistance. Parce que qu'est-ce qui fait la résistance? Il y a aussi qu'on est sur la plus vieille croûte terrestre de la planète aussi. C'est ici que ils ont réussi à trouver aux nouvelles il n'y a pas si longtemps. Je ne me rappelle plus c'est quand exactement, mais que la plus vieille forme de vie sur la Terre aurait été trouvée sur le bouclier canadien. C'est possible. Je ne suis pas au courant. Puis ça, Daniel Kemp en parlait déjà dans les années 80, fait que j'ai trouvé ça drôle que le jour où j'entends ça dans une conférence, je le vois passer aux nouvelles, tu sais. C'est des drôles de synchronicité. Ah, ben, il y a plein de synchronicités qu'on peut vivre, là. Ah, c'est fou. Tu sais, à un moment donné, je discutais que, tu sais, je pourrais passer toute la soirée à en nommer, là, mais, tu sais, tu penses à quelqu'un puis la personne t'appelle au même moment, là. Ah ben ouais, mais ça c'est parce que c'est pas toi qui penses. Oui, exactement. Oui, tu fais bien de le dire. En réalité, la personne qui se fait appeler par l'autre puis celle qui appelle, ils reçoivent la même pensée qui provient de l'esprit qui cherche à les mettre en relation. Exact. Mais à un moment donné, je voulais téléphoner ma mère puis c'était occupé au téléphone. Puis là, je raccroche puis c'est elle qui m'appelait. Puis là, ça sonne puis c'est elle qui voulait me parler. Oui, ça arrive tout le temps, les affaires de main. C'est arrivé souvent. C'est sûr, les gens qui m'écoutent vont dire, ben là, vous vous appelez sans doute aux mêmes heures, certes, mais quand même à la même seconde. Comment? J'ai voulu voir jusqu'où ça allait, ça. OK. Il y a quelqu'un avec qui, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un avec qui je parlais plus, OK? Oui. Puis là, je demande à l'esprit, j'ai dit, là, tu me fais penser à cette personne-là, ben, calisse, mets-la sur ma route. Puis là, ça me dit, OK, demain, son frère va te texter. Ben, le lendemain, son frère m'a texté. C'est fou, ça peut aller loin, hein, quand tu leur demandes, là, puis tu poses à demander, pourquoi tu me demandes ça, pourquoi tu m'envoies cette personne-là, pourquoi tu me... Ça peut aller loin. C'est vraiment... on est beaucoup plus en contact avec notre esprit qu'on le pense. Exactement, puis des fois aussi, nous manipulent beaucoup plus qu'on le pense. Ben oui. Parce que, dans le fond, l'idée même d'entrer en contact avec la personne peut nous être induite, suggérée dans le mental par l'esprit, parce que la pensée vient d'ailleurs. Tu sais, c'est comme... Ah ben oui, c'est sûr que... C'est comme... demandé pourquoi tu m'envoies cette personne-là, etc., mais... En réalité, la question est comme superflue parce que l'esprit te donne l'idée de te dire... en fait, l'esprit te dit intérieurement pourquoi tu m'envoies ça, mais en réalité, c'est lui-même qui fait le courant d'énergie. Ouais, c'est ça. Exact, qui est à la base de cette pensée-là. Oh, ouais, ça c'est des chemins de pensée qui m'arrivent souvent, hein. Puis même ce que tu dis, c'est l'esprit qui dit de Ouais, oui. Mais c'est subtil, hein? ouais, mais pas tant que ça en même temps. Exact, mais c'est intéressant parce que toi, tu es capable de le capter. Des fois, je parle de ça à des personnes, puis à un moment donné, je les perds. Non, mais pourtant c'est naturel. C'est normal. Quand t'as compris que la pensée vient. C'est parce qu'à un moment donné, là, t'as une impression dans ton mental qui vient te frapper tellement fort puis qui te montre que c'est pas toi qui peux penser à ça, que c'est impossible que ce soit toi qui penses à ça. C'est comment? Puis c'est là que tu comprends vraiment que tu intègres que la pensée vient d'ailleurs. Avant ça, tu peux pas. On aurait beau te le dire 1000 fois, tu te dirais, ouais, mais comment tu peux me le prouver? Ça se prouve pas, ça se vit. Exactement. Fait que c'est ça, c'est un principe important, fondamental, parce qu'après ça, ton rapport à la réalité change carrément, là. C'est là que tu vois que c'est là que tu quand tu as compris juste ce principe-là, juste une phrase simple, la pensée vient d'ailleurs, juste savoir ça peut changer ta vie de A à Z, là. C'est fou. Quand tu y penses, là, c'est ça qui a manipulé des peuples. Oui. Si passé il y a, parce que moi je suis rendu à me demander, tu sais, je crois tellement plus à rien que je me demande vraiment s'il y a eu quelque chose avant ma naissance, je me demande vraiment si la vie, à part dans l'instant présent, elle m'est pas induite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est un questionnement intéressant parce que tu vois, en philosophie, André Moreau va dire l'univers n'a pas commencé il y a 16 milliards d'années, comme peuvent l'affirmer par exemple certains scientifiques, puis des fois ils font faire des débats. Ah, c'est 16 milliards, ah, c'est 14 milliards. Non, il dit le monde commence maintenant. Puis le seul C'est ça. moment qui existe, c'est maintenant. Hier, c'était maintenant, demain, c'est maintenant, puis aujourd'hui, c'est maintenant. Il y a juste un moment présent. C'est ça. Mais si le passé, si tu es capable de réfléchir ton passé dans ton canal mental, c'est parce que, puis que en sachant que la pensée vient d'ailleurs, Oui. si tu es capable de penser à ton passé, ça veut dire que ton passé il existe ailleurs en même temps. Exactement. Mais c'est lui, il allait jusqu'à dire que ton passé, tu le constitues dans le moment présent. Ouais, c'est ça, mais les deux. Mais c'est ça, mais le passé n'existe pas en soi. Le passé existe tout simplement parce que tu lui donnes une valeur dans le moment présent. Oh, mais il existe aussi en mémoire dans l'astral, Oui, dans un sens. Mais là. Ouais. l'astral existe toujours dans le moment présent en vertu qu'il est constitué. Ouais, c'est ça. Mais tout ça, c'est tordu. Puis, tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui évoque un passé linéaire, mais plus que l'événement passé est évoqué, date de longtemps, puis plus que de risque d'être déformé. Tu sais, quelqu'un qui se fait hypnotiser parce que la personne a dit « Ah, j'ai été en contact avec les extraterrestres il y a plusieurs années. » Bien, plus que le temps passe, puis plus que le souvenir risque d'être déformé. Pourquoi? Ben parce qu'entre le moment que la personne dit avoir vécu l'expérience puis le moment présent, il y a d'autres moments qui se sont glissés puis qui vont teinter la psychologie de la personne, qui vont créer des filtres ou des croyances, puis... C'est ça. Ouais. Eh, c'est drôle, je parlais de ça dans les vidéos justement. On se disait que comment qu'on peut être sûr de notre passé si. Des fois, tu parles avec quelqu'un, là, puis tu dis, on reparle d'un événement, puis lui dit, hey, te rappelles-tu quand t'as dit ça? Puis là, tu dis, non, j'ai jamais dit ça. Puis toi, pourtant, dans toi, t'es sûr que t'as jamais dit ça, puis lui, il est sûr que t'as déjà dit ça. Ça veut dire que le passé, c'est subjectif en tabarnak, puis qu'objectivement, on n'a pas d'information encore. Oui, ben en fait, comme disait André Moreau, parce que ces temps-ci, je l'écoute souvent, fait que c'est pour ça que je le cite là, depuis les derniers Ah, instants, là, ouais, le célèbre philosophe jovialiste que je propose aux gens aussi de découvrir parce qu'il a amené des pistes intéressantes là, sur certains sujets. Ben, il dit la seule chose qu'on se rappelle, c'est de soi-même. Il dit on ne se rappelle pas du passé, on se rappelle de soi-même. Hey, ça me fait penser justement à quelque chose que j'ai entendu. Tu sais, quand on dit qu'on se connaît, là, Oui. ben se connaître, là, c'est de se regarder à partir du passé. Ça n'est pas représentatif de l'instant présent, justement. Non, Tu sais? exactement. Puis c'est la raison pour laquelle il donne plus d'importance à l'invention de soi plutôt qu'à la connaissance de soi, parce que se connaître, c'est toujours se définir en fonction d'un passé puis des formes, tandis que dans l'invention de soi, C'est c'est là ça. que tu t'improvises sur le plan transcendantal puis tu génères une créativité, quelque chose de nouveau. C'est là que tu passes de réactif. Check, tu regarderas le mot réactif puis le mot créatif ont les mêmes lettres, mais pas à la même place. Donc, ça veut dire qu'il y en a pas tant que ça à changer avant de passer de réactif à créatif. Intéressant comme constat. Ouais. Parce que souvent, j'avais regardé. Moi, la particularité que j'avais remarqué par rapport à toi, c'est que je trouvais que tu t'intéressais beaucoup au langage des oiseaux. Ouais, vraiment, ouais. Fait que là, moi, je trouvais ça amusant, tu sais. C'est comme sur le forum, il y a une personne qui s'appelle Feu Naître. Ouais, hey, c'est mon meilleur ami. Ouais, mais c'est intéressant sur Facebook que je suis parti à rire parce que feu, le feu, Ouais. l'élément chaud, puis naître. Quelqu'un qui naît dans l'esprit, ben c'est le feu qui naît en lui-même. Ouais, c'est ça. Puis pour le voir, ben il faut que tu ouvres ta fenêtre. Fait que. En plus, c'est une fenêtre vers soi. Exactement. Fait il y a toutes sortes de jeux de mots. Tu sais, je t'en ai entendu ou tu sais, je voyais sur Internet, en faisais une fois de temps en temps, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est le langage de l'esprit qui utilise les formes. C'est ça. Ouais. Ben, je sais pas si tu connais justement, il y a Donald Gauthier aussi que j'écoute un petit peu de ce temps-ci, puis je trouve ça vraiment intéressant. Là. Lui, il a vraiment essayé de comprendre le langage holographique des mots, puis il a étudié ça, là, son alphabet. Hey, c'est malade ce qu'il fait, ce gars-là, c'est vraiment hot. Oui, ben C'est créatif. j'ai déjà vu de ces vidéos là entre qui sont partagées là, sur Facebook. En tout cas, moi, j'ai bien aimé qu'est-ce qu'il fait. Ben il y a une approche particulière de la réalité qui lui est propre là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, il est dans son individualité, le gars. Puis ça, c'est le fun à voir. Exactement. Mais les mots là, tu sais, quand tu regardes par exemple le mot dangereux, tu le décomposes, t'as d'ange heureux, Ouais. des Heureux, hein, anges qui ouais. sont heureux. Oh non. Ah, je pensais à ça hier. À des anges qui sont heureux. Ouais. Mais ça peut être Non, mais dans... tu. Oui. Non, mais check, c'est dangereux, c'est dans je. Un danger, c'est dans j'ai. Oui. Dans le jeu, il y a le danger. Ouais, c'est ça. Dans le jeu qui se réfléchit trop, en effet, là. Ouais, c'est là où on commence à réfléchir un peu trop la pensée, là. Oui, ben c'est comme gouvernement. Gouverne Ouais. et ment. Moi, je mets le mot gouverne aimant parce que tout le monde est magnétisé, fait que c'est des gouvernes aimants. Puis Oui. ils vont juste nous gouverner si on est magnétisable, parce que si on n'est plus des aimants, ils peuvent plus nous gouverner parce que c'est des gouvernements. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tant qu'on peut être magnétisable ou influençable par le collectif, on peut être soumis par le gouvernement, donc C'est ça. l'aimant qui nous gouverne malgré nous. En étant conscient qu'avant même que l'astral nous manipule, c'est l'esprit qui manifeste tout. Puis que tu sais, Oui. c'est sûr que l'astral, c'est de la merde, mais ça reste un filet de sécurité qui a été comment je pourrais dire ça? Qui a été mis durant l'évolution parce que l'être humain, il était pas prêt. C'est sûr que là, il faut aller à contre-courant de ce filet de sécurité-là, mais moi, je me dis que toutes les structures qui sont instaurées présentement dans notre peuple, que ce soit le gouvernement, que ce soit les lois, que ce soit ci, c'est instauré là comme un filet de sécurité parce que l'être humain est pas assez conscient encore pour être capable de vivre sans gouvernement, pour être capable de vivre sans Ben, ça. j'apporterai une nuance que oui, dans certains cas, il y a des mesures, des filets de sécurité pour contenir des débordements astraux ou du manque d'intelligence. Par contre, le point par rapport à ce qui est de l'origine de la constitution de l'astral, sa création, c'est qu'à l'origine, il y a des hommes qui se sont incarnés dans la matière, puis comme ils ne se corrigeaient pas, ils ne pouvaient pas retourner sur le plan éthérique, ces êtres-là, une fois sortis de l'incarnation, puis leur taux vibratoire était plus bas que celui de l'esprit, fait qu'indirectement, le plan astral a été créé. Mais ce n'est pas une volonté de l'esprit fondamentalement de générer le plan astral. Ce qui est Ouais, c'est un arrivé manque de volonté dans le fond. individuel en relation avec la fascination de l'âme dans la matière. Ouais. Donc pour moi, Je c'est vois un ce que tu petit peu comme une erreur, ben une erreur façon de parler, là. C'est les plans systémiques, quand ils ont créé l'être humain, ils n'avaient pas réalisé que l'être humain serait fasciné par la matière à un point tel qu'elle allait s'y perdre, puis qu'elle Moi, je est une. pense qu'il savait. Ben non! De ce que j'ai capté par rapport, entre autres, de l'instruction Bernard qui aborde ces sujets-là, c'est qu'il y avait une erreur dans l'évolution qui était liée au fait que l'âme en tant que telle ne se corrige pas par elle-même. Puis à partir de ça, il y a eu plein d'abus, la violence, la guerre, puis un paquet de phénomènes sociaux extrêmement nuisibles puis évolutifs qui ont été amenés. Ok, ouais, je comprends. Dans le fond, c'est un accident. Ouais. C'est comme une erreur de programmation. En fait, l'esprit, je le vois comme un programmateur informatique, puis lui, il pense qu'il va arriver telle chose en pratique, mais finalement, entre la théorie et la pratique, c'est deux choses. Puis ce qui est arrivé en pratique, c'est que l'âme, au lieu de se corriger à mesure, puis maintenir la liaison psychique avec les circuits universels, elle ne l'a pas faite, puis elle s'est coupée de tout ça pour être fascinée par les sens, puis après ça, elle ne pouvait pas réintégrer le plan éthérique d'où elle originait, parce que son taux vibratoire était abaissé en relation avec son état de fascination avec le plan biologique, ce qui fait en sorte que le plan astral a été créé pour que les âmes en voie d'évolution, qui étaient plus capables de réintégrer le plan éthérique à être là, tout simplement. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est. Là, ça rejoint avec. Ça vient d'éclairer qu'une couple de mes affaires. C'est intéressant ce que tu dis. Ah, Ça ben me fait tant mieux. penser que. Tu sais, quand Oui. on dit que la création, c'est un accident, là, de m'amener dans le game, puis il a dit ça, puis ça fait un bout que j'étudie ça, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là, ben là, j'ai ma réponse. Ouais, par contre, la nuance que je dirais, c'est que l'origine de la création, en ce qui me concerne, c'est pas un accident dans le sens, c'est pas un big bang là, qui est Oh inconscient, là, non, tu c'est sais. pas ça qu'il voulait dire. Il parlait juste de justement de l'incarnation et tout ça. Oui, ben, pour moi, il y a un accident de parcours qui est lié au fait que l'âme ne se corrige pas par elle-même. Ouais, c'est ça, ça prend un médium. Ça prend des oppositions. Tu sais, en fait, le phénomène de l'involution existe tout simplement parce qu'il y a une dégradation du taux vibratoire des êtres lorsqu'ils se sont incarnés dans la matière. S'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu d'involution, puis aujourd'hui, il n'y aurait pas d'évolution parce que les êtres seraient tout le temps au même taux vibratoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'en réalité, l'évolution, c'est un correctif à l'involution. Puis, lorsque le taux vibratoire d'origine pourra être intégré par l'âme en relation avec une liaison absolue et parfaite avec l'esprit, ben, l'involution puis l'évolution, ça n'existera plus. Il va exister tout simplement un être intégral. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Être c'est. intégral et intégré. Oui, exactement. Puis Mais. après ça, quand Oui. tout le monde va être intégré, l'univers va se désintégrer. Ben non, l'univers va pas nécessairement disparaître. Il va se vitaliser. En fait, je pense qu'on va juste créer des mondes plus évolués que ça. Moi, je vois ça comme ça, là. Oui, ben il va y avoir un développement parce qu'en réalité, de l'intelligence cherche toujours à s'exprimer puis à se manifester. T'sais, la créativité, ce qui permet à un être de sentir vivant, c'est de s'exprimer. Donc, pour moi, il y aura toujours de la création à l'infini, étant donné que la nature fondamentale de l'esprit est infinie. Fait qu'il faut bien que l'infini s'occupe à l'infini. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Fait que c'est sûr que, sans doute, par rapport à l'expérimentation qui a eu cours sur Terre, bien, ça peut donner place à la construction de d'autres mondes puis même peut-être même d'autres univers. En termes de voie de développement, en fonction des conclusions qui peuvent être tirées de l'expérience qui a eu cours là, avec l'humanité terrestre. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme des prototypes. Tu développes un modèle d'ordinateur, ensuite tu le raffines, un autre modèle. Même chose pour les téléphones intelligents. Fait que pour moi, c'est la Ouais, même c'est ça. chose par rapport aux êtres humains. Tu as certains modèles d'êtres humains, puis il y en a d'autres un peu plus perfectionnés. Puis il y en a qui vont chercher à raffiner tout ça. C'est sûr que tu as des gens qui vont chercher à faire, par exemple, des manipulations génétiques pour perfectionner l'être humain. Mais bon, ça, c'est sûr, ça peut être sujet à Ils vont discussion. pogner un mur à un moment donné. Moi, je pense pas que tu peux donner une conscience à quelque chose qui n'est pas doté de vie. Tu sais, je veux dire, il y a un courant électrique dans un robot, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie proprement dite. Comment est-ce que je veux dire? Je pense qu'il va y avoir une limite à ce que la technologie va arriver, puis je pense que la conscience va arriver plus vite que la technologie, fait que l'homme va s'en rendre compte. Oui, ben c'est sûr qu'il va y avoir une limite, par exemple, au développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr qu'on développe présentement des algorithmes très puissants, le deep learning, le big data, qui fait en sorte que les machines ont de plus en plus de capacités. Par contre, ça remplacera jamais la capacité qui peut être manifestée par un être humain qui canalise l'esprit, parce que la machine, en C'est tant sûr. que telle, ne peut pas canaliser l'esprit. Parce que peu importe les algorithmes, Oui. les algorithmes vont utiliser la connaissance qu'il y a dans le monde matériel, puis de la connaissance qui est déjà manifestée, tandis que quelqu'un qui est connecté à l'esprit peut puiser dans le non manifesté, puis dans des choses que l'humain a même pas idée. Tu sais, Exact. quand il disait que l'intelligence, que l'imagination de l'homme était même pas à 0,99% de tout ce qu'il y avait de possible puis d'imaginable. Tu sais, on est vraiment loin de savoir ce qu'il y a à savoir, là. Ouais, je veux dire. Oui, exactement. On est au premier balbutiement. C'est sûr que l'intelligence artificielle fait juste puiser dans les formes anciennes qui existent déjà. Elle fonctionne juste à partir Du connu. du connu, exactement, là. Puis elle va réorganiser des informations pour créer des nouveaux motifs, mais c'est toujours en fonction de formes déjà existantes, donc du mémoriel. Mais Sais, c'est. j'avais vu, et je Oui? sais plus trop c'est sur quel village au Québec, mais il est marqué, nous, on le futur, c'est de prendre le passé différemment. Puis je pense que c'est ça l'erreur de l'intelligence ou de l'intellect humain, c'est d'être capable de pogner des formes pour faire des nouvelles formes, tandis que là, la vraie évolution, selon moi, c'est d'être capable de créer à partir de rien, d'être capable de créer à partir de fuck all. Tu sais, Exact. Je pense que l'être qui est plus propice à être dans son intelligence, c'est pas celui qui va régurgiter les mêmes formes pendant 20 ans, mais celui qui va être capable de détruire toutes les formes pour être capable de puiser à partir du vide des nouvelles formes, tu sais. Exactement. Donc, c'est sûr que si l'individu, en tant que conscience, connaît que l'esprit qui est par-delà les formes, ben, il va être capable de générer de la nouveauté, tandis que s'il fonctionne juste avec du mémorial, un peu comme les machines, il va être plafonné en fonction des formes déjà existantes, puis il va être à la remorque des individus créatifs pour récupérer les formes qui vont être générées, un peu comme les entités astrales. Ouais, c'est ça. Parce que les entités astrales, Une oui? manière de traiter avec la forme, par exemple, pour moi, Oui? c'est pas toutes les formes qui sont. Tu sais, il y a des formes qui sont utiles, puis il y a des formes qui sont inutiles. C'est clair. Il y a des formes qui sont pro-humaines, puis il y a des formes qui sont tellement émotivées par l'évolution, qui sont juste bonnes pour être cassées. Puis ça, c'est Exactement. propre à chaque individu, hein, parce que moi, je pense que je sais qu'est-ce que j'ai à savoir pour moi, mais je sais pas ce que j'ai à savoir pour n'importe qui d'autre que moi. C'est ça, c'est là que ça commence. Oui, parce qu'il faut savoir. Puis Ouais. quelque chose qui est utile pour toi ne l'est pas nécessairement pour ton voisin, puis vice-versa. Je pense que c'est important le mot savoir parce que si tu mets un apostrophe entre le S puis le A, ça fait savoir. Donc être capable d'être dans ses énergies, c'est savoir. Tu sais? Oui. Parce que pendant que tu le parles, là, il vient l'image, savoir. Ouais. Il faut savoir pour pas se faire avoir par les autres. C'est ça. Faut être capable de se posséder totalement, sinon c'est d'autres entités qui vont nous posséder. Oui, exactement. Puis on risque d'être chevauché par les autres ou être pénétré psychiquement par l'astral et ainsi de suite. Puis ce que je veux dire par se posséder, ça voudrait dire d'être capable du point de vue de l'esprit, d'être capable d'avoir une emprise sur notre ego, tu sais. Oui, avoir une maîtrise. Avoir une maîtrise sur soi-même, donc se doter d'un centre de gravité permanent. Ça, c'est un travail qui est bon pour des années, là, puis je le voyais, le moi qui pensais que j'allais vite, là, je me rends compte que ça commence à être plus dur que je pensais. Mais c'est là que le fun commence, par exemple, parce qu'au moins j'ai de la volonté, tu sais. Oui, bien certainement, parce que tu peux franchir des étapes, là, tu penses que tu es rendu au sommet, puis finalement, tu peux aller encore plus loin, puis tu peux aller Il n'y en a encore pas plus de loin. sommet. Ben, c'est ça que j'allais en dire. Même l'idée d'atteindre son propre sommet, c'est une forme. Ben oui, c'est ça. Parce que dans le domaine de la spiritualité, il y a des gens qui vont dire, ben là, il faut aller à la conquête de son propre sommet pour parvenir à la réalisation. Il n'y en a Mais. pas de ça. Ben, c'est ça, c'est parce, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, on peut toujours hausser Moi, le je te le dis, à un niveau. moment Oui? donné, là, maintenant, on va arriver au bout des systémiques, puis on va dire tabarnak, il y a d'autres choses au bout. C'est quoi ça, man? Puis on va comprendre qu'il y a d'autres choses que l'esprit, c'est sûr et certain. Oui, ben, je suis de ton avis parce qu'après tout, si on en regarde au niveau de la science, plus qu'on étudie les plus petites particules, puis plus qu'on se rend compte qu'il y en a d'autres. Non, Tu sais, c'est ça. tu peux avoir des atomes, tu peux avoir, bon, il y a des protons, des neutrons, tu peux avoir des quarks, puis là, tu as le boson de Higgs, la particule de Dieu, là, qu'ils ont observé, là, en France, avec un accélérateur de particules. Mais ben là, on va dans le plus petit, puis il y a tout le temps le plus petit que le plus petit, puis le plus petit, puis le plus petit, fait que, pis C'est même ça que je chose vais dans le arriver plus grand. Oui? un moment donné, il va regarder dans son microscope, puis il va se voir en train de regarder dans un microscope, je te le dis. Ah, ça peut être possible. C'est sûr, c'est sûr. Donc, il va être Parce que. l'observateur observé. Ouais, c'est exactement ça. Il va voir que l'observateur, il s'observe en esti. Non, exactement, mais dans l'infini grand, l'infiniment petit, puis dans l'infiniment grand, le macrocosme, puis le microcosme, puis tout ça, c'est comme sans fin les formes qui peuvent être générées. Puis, à quelque part, le regard de la personne qui regarde dans le très petit ou dans le très grand peut participer à constituer des formes aussi. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme plus que la personne cherche, puis plus qu'il découvre des choses, mais il réalise pas que c'est lui qui crée quelque part ces choses-là. Il invente des catégories, il invente des formes, tu sais. On va nommer des sortes de neige, tu sais, on va dire la neige est plus collante ou au contraire, la neige est plus lourde ou peu importe, tu sais. On crée des catégories en percevant des choses. Ouais, c'est ça. L'humain, il crisse des formes dessus, il blanquette au lieu d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment. Ben, c'est qu'il n'y a pas l'essence énergétique qui va avoir tendance à créer des formes sur des formes puis des formes pour appréhender le réel. Ouais, c'est ça. M'amener, on va parler par vibration, on n'aura même plus besoin d'avoir ces conversations-là. Non, exactement, mais temporairement, ça peut agrémenter. Mais c'est sûr C'est qu'en qu'on est effet. en train de, au lieu de Oui. prendre des formes qui nous enferment, on est en train de créer des formes qui nous libèrent de plus en plus des mots à ajuster. On est en train de créer un langage évolutionnaire, tu sais, c'est ça de la psychologie évolutionnaire selon moi, tu sais. Oui. Puis j'adore ça, échanger avec des gens qui sont dans la conscience parce qu'on arrive justement à casser des formes ensemble. Puis casser des formes, je pense que c'est la job la plus fun à faire dans l'évolution parce qu'après ça, quand tu arrives dans ton quotidien, puis tu fais face à des gens qui sont pris dans la forme, t'es beaucoup plus compatissant. Puis quand tu le vois, quand tu as tendance à être pris dans forme, par l'habitude de casser des formes, après ça, tu deviens moins sujet à te faire prendre par les formes, puis tu te vois de plus en plus, puis c'est là que tu dis, Chris, je t'ai pris là, finalement. Ah ben finalement, je croyais encore par rapport à ça. Ah ben finalement, j'avais de l'émotion cachée là. Puis là, tu te Exact. rends compte que c'est subtil, on est style jeu des plans. Ouais, certainement. C'est sûr que tu deviens plus fluide. À mesure que tu intègres l'esprit, tu deviens son image, c'est-à-dire libre de la forme, donc une C'est ça. conscience qui est fluidifiée. Puis à ce moment-là, ben, tu souffres moins de la forme parce que tu sors de la rigidité qui peut être liée ou t'attacher à certaines formes plutôt que d'autres. Exact. Fait que c'est ça, c'est intéressant comme constat à faire parce que tu peux sortir par exemple de la dynamique qui pouvait t'amener dans le passé à chercher compulsivement la vérité. Oh, ça c'est dangereux. Puis ça, on s'en rend même pas compte qu'on cherche ça des fois, je me rends compte. Tant qu'on essaie de. Je pense que tant qu'on. Ben, en tout cas, c'est pas moi qui pense, là, mais Oui. tant qu'on essaie d'avoir raison, là, à Oui. quelque part, c'est qu'on a un petit désir de vérité de cacher à quelque part. Oui, exactement, forcément, parce que l'idée d'avoir de raison, c'est la primauté d'une forme par rapport à d'autres. Moi, je me dis que la raison, là, si ça résonne en toi, tant mieux, mais ce qui résonne en l'autre, c'est important. C'est très, très, très, c'est très, très, très important de. Je le répéterai jamais assez, de faire attention au cheminement des autres parce que tu ne sais jamais comment tu peux fucker quelqu'un. Tu sais, moi, des fois, je suis un peu dur là, quand que je commence à avoir un concept puis que je suis sûr de mon concept. Puis là, je vais aller dire à quelqu'un, aïe, aïe, ce que tu dis, là, ça n'a pas rapport parce que moi, j'ai un beau concept. C'est là que je me rends compte que la personne, elle peut facilement être dévalorisée, puis ça peut l'éloigner du chemin de la conscience, ça peut créer des débalancements plus qu'il y en a déjà dans l'ego, de un, puis de deux, quand tu te lies trop au cheminement de l'autre, puis que tu t'espères un résultat, ben tu te lies karmiquement, puis occultement à la personne. Exactement, puis tu donnes Parce le que dans pouvoir de te l'astral, tu défatoir. regardes la personne, Ouais. puis tu te crées une forme, puis vu que la forme est liée à la personne, ben occultement est liée à la personne dans l'astral, tu sais. Ouais, exactement, ça crée des associations. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas donner trop d'importance aux formes, parce que sans ça, tu donnes le pouvoir à ces dernières de te décevoir. Ça va jusque dans le couple, hein, l'attachement, tu sais, l'attachement à des formes. Combien de couples qui. Ah, oh, il était pas comme que je pensais. Ouais, mais c'est parce que tu pensais qu'il était au lieu de le voir. T'sais. On se rend compte comment que. Tu sais, moi, je me suis rendu compte, la première chose qui s'est transformée de façon radicale. C'est ma vision de la femme, puis ma vision de l'amour. Puis c'est là que je me rends compte qu'avant, mes désirs égoïques d'une relation de couple étaient purement illusoires parce que je mettais la femme dans une forme, puis je me disais, ben il faut qu'elle soit comme ça. Puis une relation de couple, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais dans le fond, c'est pas ça, pantoute. C'est là que le concept, pas de libre arbitre, mais un concept de liberté d'être, de liberté créative dans un couple. Parce que quand tu mets pas de forme dans une relation interhumaine, tu peux être. Tu peux être dans l'affection n'importe comment parce que vu que t'es pas conditionné à aller dans une direction, tu peux aller dans le monde entier avec dans le monde de la forme, dans le monde dans quoi que c'est. Tu peux aller dans le monde entier avec cette relation-là parce qu'elle n'est pas conditionnée dans une direction propre. C'est là que tu apprends à te connaître réellement. Tu sais, moi je pense que déjà redéfinir le terme de relation autre qu'en termes de sexualité, juste quand tu es avec quelqu'un puis que tu es bien, puis que tu es stimulé énergétiquement, là, puis que tu es dans. Déjà, juste être en présence du sexe opposé énergétiquement, ça peut faire un certain balancement. Puis on peut échanger sans que nécessairement il y ait un besoin sexuel. Moi, je pense que le besoin sexuel, il va prendre d'autres formes. Puis je le vis déjà dans mes relations parce que je suis plus. Avant, j'étais super complexé, puis je n'osais pas aller vers les filles parce que justement, j'avais tu sais, à la TV, ils nous parlent de sexe dans les films, dans les ci, dans les ça. Ils nous imposent une vision, puis moi, je me suis toujours rendu compte qu'à l'intérieur de moi, ma vision de l'amour, elle n'avait rien à voir de ça. Puis je m'empêchais d'aller vers les femmes parce que j'avais des standards illusoires que j'avais une impression de devoir respecter. Puis maintenant, T'sais, vu que j'écoute plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me rends compte que j'ai plus peur d'aller vers les femmes parce que j'ai plus la pression de est-ce que je vais avoir à coucher avec ou whatever. Moi, j'ai juste envie d'échanger. Je vais avec des femmes avec qui je suis stimulé déjà intellectuellement, pas nécessairement intellectuellement, mais intelligemment, avec qui je peux avoir des échanges intelligents ou des personnes avec qui j'ai des points de vue similaires ou même différents. Puis déjà, je me rends compte que ça a des structures bien plus intelligentes dans le couple que déjà juste une relation qui est basée sur la forme matérielle ou basée sur les formes astrales, émotives, whatever, qui sont juste là pour plaire à une psychologie ou à des idéaux qui sont illusoires. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu parles d'une relation qui se définit, par exemple, à travers un échange de la parole vibratoire. Comme si la relation, l'échange, tu sais, avant. Mettons, on va faire une analogie. Un couple, c'est une phrase, OK? Dans le temps, le couple, dans la phrase, il y avait la vie commune, c'était le nom. Disons, le bien-être, c'était le complément. Puis le sexe, c'était l'adjectif. Ben, à cette heure, moi, je pense que dans la vie, le couple, l'échange devrait être l'adjectif. Le nom devrait rester quand même la relation entre les deux individus. Puis le verbe est très important parce que c'est là que ça, c'est justement que là dans l'échange. Puis sans nécessairement avoir besoin d'un complément, moi je pense qu'au point, à la fin de la phrase, ça va être là le sexe, puis ça va être tout parce qu'on n'aura plus besoin de ça parce que ça va plus être basé là-dessus. Mais c'est-à-dire que pour l'être humain nouveau, éventuellement, de ce que j'ai compris de l'instruction de Bernard, c'est que le chakra sexuel va être amené au niveau de la gorge à travers Ouais, c'est ça. l'échange de la parole vibratoire. C'est ça. Mais tu sais, c'est un échange d'énergie au niveau sexuel ou c'est un niveau d'échange d'énergie au niveau du chakra de la gorge plus de la parole vibratoire, ça demeure un échange d'énergie. Par contre, le point, c'est sûr qu'éventuellement, la dimension génitale reproduction va être moins nécessaire parce que si les gens sont dans leur conscience, ben ils meurent pas à tout bout de champ. Tu sais, l'espérance de vie va augmenter. Fait que la nécessité de la reproduction biologique va être moins là. Donc, Ouais, c'est ça, éventuellement. Mais là, moi, tu sais, je parle objectivement, puis je parle dans un idéal que moi, comment je vois les choses. Mais c'est sûr que là, on n'en est pas là parce qu'on a quand même des besoins. Puis je pense que la religion nous a assez tapé ses doigts, puis les spiritualités avec la chasteté, puis ces affaires-là, que je pense que l'être humain, il a quand même un certain besoin de s'émanciper, puis sans nécessairement tomber dans la débandade, de juste se laisser aller, puis de vivre un peu, tu sais, puis de comprendre par lui-même pourquoi que c'est pas bon ou que c'est bon nécessairement de vivre de la sexualité dans sa vie. Puis c'est là que ses besoins vont s'ajuster vraiment à son individualité et non à un point de vue qui est extérieur puis qui découle d'une masse d'individus ignorants. Exactement, il faut que l'individu vive en fonction de lui-même plutôt que de la morale. Puis si la C'est ça. personne a la vibration d'avoir du sexe, parce que ça peut, par exemple, un peu comme un fusible, relâcher une tension en son sein, ben c'est intelligent qu'elle ait du sexe. Ouais, c'est ça. Puis ne serait-ce que pour se définir, à un moment donné, le gars, il est full complexé, puis toute sa vie, exemple, là, quelqu'un qui, durant son évolution, il était dans des grandes religions qui l'ont interdit de vivre son sexe, puis qui l'ont interdit de vivre ça, puis à un moment donné, il découvre la conscience, tu sais, puis il se dit, Chris, je me suis fait avoir, moi, là. C'est sûr qu'il va vouloir vivre ses expériences, il faut pas y en vouloir au gars, tu sais. C'est là peut-être. C'est bien parfait, tu sais. Ouais, c'est ça. La personne, si elle explore sa sexualité au lieu de la renier au nom d'un idéal spirituel, ben, elle va évoluer à travers ça parce qu'elle va être en action. Puis il faut savoir aussi que l'énergie créative est reliée au chakra sexuel, puis que ce désir-là de créer, ben, que l'énergie sexuelle vient du désir de créer, puis qu'à un moment donné, tu vas être capable de l'amener vers en haut au lieu de vers en bas, tu sais. Puis ça fait partie du remaniement de tes énergies, puis de la reconstitution. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que juste de tout le temps être téléguidé par ta queue, ou ben donc téléguidé par whatever, excusez mon langage, là, mais Ben, le d'être désir téléguidé par. sexuel. Ouais, c'est ça, d'être téléguidé par ça. À un moment donné, tu te rends compte que ça fait plus partie de ton côté animal, mais ça fait partie de la game, tu sais, puis c'est pas de se taper sur la tête non plus. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est cette énergie-là, quand que tu la diffraques pas partout dans tes plaisirs, que tu peux te servir pour créer. Moi, à un moment donné, j'ai fait des tests, puis je me suis rendu compte que j'avais plus de créativité dans certaines journées où ce que justement, j'étais pas actif, tu sais, puis c'est vraiment intéressant. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que l'énergie sexuelle peut être sublimée à travers, entre autres, la création artistique. Par contre, le point, que je veux dire, c'est que si la personne a la vibration pour ça, c'est parfait, mais si elle fait ça au nom d'un idéal spirituel, puis Ouais, c'est ça. déconnectée d'elle-même, c'est pas intelligent. Oh, mais moi, je le verrais plus pas dans un but spirituel, mais dans un exercice de maîtrise, tu sais. Oui. Tu sais, moi, je dis pas que c'est quelque chose à faire puis un idéal à respecter, mais moi, je l'ai essayé à un moment donné, puis j'ai eu des résultats quand même assez favorables. C'était cool. Ben, si c'est satisfaisant pour toi, c'est bien parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était fou. Moi, c'est une des premières fois que j'ai fait l'expérience de l'esprit. Je me rappelle, j'avais essayé, j'étais pendant une semaine, j'essayais d'être bien, bien, bien tranquille, là, puis au bout de 4-5 jours, je suis allé m'asseoir devant le piano, puis je me suis laissé aller totalement parce que sinon, j'étais. Puis là, je me suis mis T'étais devant le sous piano, puis tension. ça s'est mis à jouer tout seul. Je te dis, j'avais jamais joué du piano de ma vie, sérieusement. Puis je me mettais à jouer des tunes que j'avais jamais jouées de ma vie, puis je savais même pas ce que je faisais. Puis aussitôt que j'essayais de mettre de l'ego là-dedans, puis posséder, ça arrêtait. Mais aussitôt que je me laissais aller, c'était de la grosse belle musique. Comme si mon énergie, elle s'orchestrait ailleurs. C'était fou. Belle expérience. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que tu peux être lié psychiquement, momentanément, si tu es en Ouais. état d'ouverture à, par exemple, quelqu'un qui est un joueur de piano dans une vie antérieure. Ouais, c'est ça. Puis là, l'entité cherche à Ça devait être s'exprimer. relié à des mémoires. C'est ça qui m'est venu, moi aussi. OK, c'est ça. C'est parce que l'entité peut chercher à s'exprimer. Puis là, il voit une opportunité, tu es devant un piano. Fait que si moindrement psychiquement, tu es ouvert, puis l'autre, il le capte, ben il va essayer de rentrer dans le canal pour s'exprimer à Ouais, travers c'est toi. ça. Ouais. En même temps, ça m'a permis de le repérer, le petit Chris. Ouais. Mais ça, c'est une autre expression québécoise, un petit Christ. Ouais, c'est un petit Jésus. Ouais, mais c'est ça. Mais si il est conscient, ça devient un grand Christ. Mais non, c'est un petit Christ parce que c'est une petite mémoire qui est cristallisée. Ah, ok, ouais, c'est intéressant. C'est ça. Ouais, un petit cristal. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quelqu'un qui a cristallisé en son sein son identité propre, ben, ça devient un grand Christ. Ouais, c'est ça. Puis quelqu'un qui a plus de curiosité, il peut dire je Mais m'en quelqu'un qui est crisse. cristallisé, par exemple, ça peut avoir un double tranchant parce qu'on peut dire de cristalliser de quelqu'un qui est pris dans la forme. S'il est cristallisé une certaine forme, moi je pense que le cristal, tu l'éclates puis t'en fais des plus beaux chaque fois. Oui, c'est vrai parce que ça peut toujours se raffiner. C'est comme moi, quand j'écris des textes ou je regarde des vidéos, je les laisse en arrière de moi puis je les réécoute pas nécessairement parce que je me dis ça m'appartient pas. C'est l'énergie qui passe à travers de moi. Oui, c'est une manifestation ponctuelle de l'énergie. Ouais. C'est ça. Ouais, par contre, c'est sûr que des fois, c'est intéressant de regarder ce qu'on fait parce que ça nous permet de voir les points qu'on a ajustés, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr, là. Mais ce que je veux dire par je le regarde pas, c'est je passe pas ma journée à me dire aïe, aïe, c'est moi qui ai fait ça, c'est que je suis hot. Quand je sais très bien que tout qu'est-ce qui se passe ici, c'est pré-personnel, tu sais. Oui, ben c'est bien d'être détaché par rapport à ça, parce que sans ça, tu réfléchirais, puis ça servirait à nourrir chez toi un orgueil. Il faut pas être orgueilleux par rapport à ce qu'on peut générer, parce que sans ça, c'est ce qui va nous couper précisément de la source en nous qui va nous Exactement. permettre de générer d'autres choses, puis là, on va être plafonné. L'esprit laissera jamais le jeu s'approprier tout ce qui passe. Exactement. C'est quand c'est le jeu qui parle, on est dans la merde. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est de la réflexion. Puis ça peut pas amener de la nouveauté. C'est ça. Parce que de la réflexion, c'est le résultat de mémoire réactivée au sein de l'ego qui lui donne un sentiment d'être en puissance en le liant psychiquement à l'astral. Qui dit réflexion dit vieux réflexe aussi, hein? Oui. Puis aussi fléchir, fléchir par rapport à quelque chose qui existe déjà. Ben check, c'est pas juste quand on réfléchit, on fait juste un reflet du chi. Ah, c'est intéressant, celle-là, je l'avais pas vue de mal. Ouais, C'est pour ça que ça chie, parfois. c'est ça. Puis C'est ça, ton réfléchi. là, après ça, on se ramasse collectivement à être dans la merde parce qu'on reproduit tout le temps les mêmes comportements, tu C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. sais. La société est en train de chier présentement parce que c'est tout le temps les mêmes comportements, par exemple, au niveau économique. On s'endette, on s'endette, on s'endette. Ah oui, mais du caca, c'est de l'engrais, ça va repousser. Mais non, c'est pas vrai. Ben oui, vu de même, c'est ça. Non, mais c'est un peu une vision, je sais pas, moi. Mais en même temps, je me dis que présentement, il y a deux options qui s'offrent à nous présentement. Soit qu'on se croit, puis qu'on prend full ça au sérieux, je veux dire, d'un point de vue égoïque, puis qu'on fout la merde dans nos futurs possibles. Ou soit qu'on se sert de ça pour sécréter, puis te regarder aller, puis qu'à un moment donné, ça ne s'atteindra plus. Puis moi, je suis sûr et certain que quand il va avoir une masse suffisante d'individus inatteignables par le COVID, il va avoir quelque chose qui va se passer parce que ces gens-là vont émaner une puissance créative sur le plan matériel, Oui, juste par leurs paroles. exactement. Puis ils vont être immunisés psychiquement de la peur du COVID. C'est ça. Puis juste, au moins, ne serait-ce que dans leur futur à eux, il va se passer des choses parce que, je veux dire, le futur qu'on vit. Chacun vit une. Je suis sûr qu'on n'est pas tous dans le même monde, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, déjà là, c'est pas tout du monde qui nous entoure. Non, c'est ça. Mais non, mais il y a des réalités parallèles. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis si on part du principe qu'on est des êtres multidimensionnels, ben on peut vivre des existences parallèles. C'est pour ça que la raison pour laquelle, pour moi, le concept de réincarnation linéaire n'existe pas dans un sens absolu, parce que Non. on peut exister sur le plan physique, on peut exister simultanément sur le plan éthérique, on peut exister sur le plan bouddhique, on peut exister aussi sur d'autres planètes. Ben, check ça. Du point de vue de l'âme, le temps est linéaire. Du point de vue de l'esprit, c'est multidimensionnel. Donc, l'âme a l'impression de s'être réincarnée, mais elle s'est incarnée partout en même temps. Exact. Fait que dans le fond, l'esprit est descendu juste une fois, puis il s'est mis dans un paquet de formes partout dans l'histoire. Oui. Si l'ego savait où ce qui est en ce moment, il capoterait. Ben, en fait, il sera obligé de réaliser qu'il est partout. Mais il y en a des êtres qui sont descendus dans juste un corps, puis ça a généré de l'énergie en tabarnak. C'est sûr que ça pourrait être sujet à discussion, tu sais, par rapport à comment tu conçois, par exemple, l'esprit. Est-ce que tu conçois l'esprit comme étant le fragment de quelque chose d'autre ou le principe Ben moi, primordial de toute je vois ça chose? comme la dimension lumineuse, mais même lumière, c'est un mot qui est très, très, très péjoratif ou qui est très, très manipulé, mais c'est la dimension immatérielle systémique de l'homme qui descend dans la matière par le biais de l'âme, malheureusement. Puis ben, qui descend dans l'ego, puis qui est matérialisé, puis qui. C'est dur à exprimer en mots, hein, mais ce serait la partie Oui. intelligente de l'homme. Puis l'intelligence, c'est ce qui orchestre la forme. L'intelligence, c'est ce qui permet à l'être de prendre conscience de lui-même. C'est même pas de la conscience. L'intelligence, c'est les petits fils de la marionnette en arrière de la conscience. Ce serait peut-être le manipulateur. Puis c'est pour ça qu'on parle de haine en avant des plans. Parce qu'au début, tu te demandes en esti pourquoi tu t'es ramassé là, tu sais. Mais lui, il a un plan intelligent. Exactement, mais lorsque tu fusionnes avec lui, tu deviens suffisamment intelligent pour le comprendre. Ah Le oui, plan c'est sûr. intelligent. Mais avant que tu sois assez intelligent, il va falloir que tu passes à travers quelque chose qu'on appelle une initiation, qui est la destruction de ta naïveté la plus pure. Oui, c'est bien formulé. Je L'esprit dis va ça te... parce que t'es dedans en ce moment, Ben, t'es pas le seul, là. là. L'esprit va te rendre intelligent malgré toi à travers les oppositions existentielles dans lesquelles tu vas t'exposer. Ouais, à un moment donné, tu vas avoir tellement de résistance, tu vas juste exploser. Soit ça ou tu vas crever. Tiens, là. Ben, c'est-à-dire que, à mon avis, l'esprit cherchera pas nécessairement à amener l'individu au suicide, là, tu sais. Non, non, c'est sûr, mais à un moment donné, si tu donnes le pouvoir aux entités, puis que tu donnes le pouvoir à tes pensées, puis que tu oublies que la pensée elle vient d'ailleurs, puis même si c'est dur à oublier à partir d'un certain moment, mais si à un moment donné, t'arrêtes de te battre, là, puis que tu. Il y en a qui abdiquent, là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont été, qui se sont suicidés, puis qui ont dit fuck that dans la vie, là, puis Ben conscient ou oui. pas conscient, parce qu'ils se croyaient réussis ou ce qu'ils se croyaient rendus. C'est où je m'en allais avec ça? Si je veux un blanc. Non, non, mais c'est pas grave, mais t'as des gens qui sont démissionnaires. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'ils ça. veulent pas s'engager à s'éveiller ou à contester l'esprit ou l'astral, puis ils vont se soumettre à un Non, paquet de c'est voix ça. discordantes en eux qui vont rendre leur vie là, invivable, puis finalement, il y en a qui vont se suicider, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'il y en a qui vont écouter des voix qui sont des âmes tueuses ou des conseils. C'est dans l'astral, t'as toutes sortes de monde, là. Exact. Il y a du monde qui sont morts avec des hosties de fardeau sur les épaules parce qu'ils étaient inconscients de leur mécanique, puis tout ça, puis qui vivent à travers la souffrance des gens, encore une fois, parce que c'est juste à ça qu'ils sont capables de s'associer. Oui, exactement, parce qu'ils étaient souffrants de leur vivant, fait que par résonance énergétique, ils entrent en résonance avec des gens sur la même longueur d'onde qui sont vivants. Puis il y a une affiliation Pas de leur cause, psychique. ils sont juste cons. Ben, Con dans le sens de inconscient. Oui. Incon qui est scient. Il est con de sa science seulement. En fait, sa science, c'est être con. C'est une science de la connerie. C'est ça. Ben, c'est sûr que la personne n'est pas capable d'accéder au réel, ben il est inconscient, donc à ce moment-là, il peut pas être réel, puis il vit dans une science limitée puis limitative. C'est ça. Ouais. Au pire, il est dans une science descriptive et non une science créative. Parce que la vie, quand on y pense, là, Oui. moi je trouve que la meilleure attitude que je peux avoir pour être en conscience, c'est pas la fascination face au plan, c'est pas. C'est même pas style la haine. Moi, je te dirais que c'est la science. Mais c'est sûr que la haine, c'est un bon ingrédient scientifique. Mais quand tu te rends compte que la vie, c'est une game et que c'est une science, là, tu redéfinis c'est quoi de la haine. Là, tu es capable de redéfinir c'est quoi être le doute. Tu es capable de redéfinir scientifiquement, du point de vue de l'énergie, les paramètres de qu'est-ce que tu as mis sur les formes. Puis c'est là que ça devient personnel. Puis c'est là que les mots, ils prennent une autre tournure totalement. Oui, c'est capable de les investir de ta vibration, de ta capacité de lire le réel. Ouais. Parce que je pense pas que, je veux dire, je pense pas que Bernard, c'est un petit gars frustré qui faisait juste chioler sur les entités puis qui remettait le blâme sur eux. Je pense qu'il faisait juste nous permettre d'être conscients de eux puis que cette haine-là, c'était juste une puissance électrique qui nous permet de réanimer notre batterie intérieure pour être capable de grandir en conscience puis de faire monter le taux vibratoire de nos cellules. Parce que c'est pas en croyant que tu étais faible puis en pensant que tu peux pas lutter contre le mensonge dans ta tête puis que tu te dis c'est plus fort que moi que tu vas aller plus loin puis que c'est justement en disant hey, je suis plus fort que ce qui dit qu'il est plus fort que moi. Exact. En faisant ça, ben, tu peux monter en volonté oppositionnelle pour égaliser celle, par exemple, de l'astral ou de l'esprit. C'est ça. Exactement. C'est sûr que Bernard, c'est un homme qui était très colérique, mais la colère avait une fonction parce qu'il initiait un mouvement de conscience ici au Québec. Puis les autres ne le comprenaient pas, puis ils ne pouvaient pas le supporter vibratoirement. Donc, c'était comme la personne qui défrichait constamment une forêt là, à partir d'une épée là, pour couper les lianes, puis tout ça, là. Mais je sens qu'il parlait plus, pas mal plus pour aujourd'hui que pour le temps qu'il a parlé. J'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, c'est. Tu sais, moi, c'est cette conscience-là, ce point de vue-là de la vie. Je trouve que c'est très, très, très d'actualité. Puis ça ressemble beaucoup au Québécois moyen d'aujourd'hui. Puis que c'est très accessible à. Même si les gens n'en sont pas conscients, moi, j'en croise à longueur de journée des gens qui sont peut-être pas supramentales, mais qui ont de la conscience sans même le savoir qu'ils en ont, puis qu'ils savent en esti en dedans d'eux autres, tu sais. Oui, Puis bien, juste. c'est plus accessible aujourd'hui en 2020 qu'en 1980, ça c'est clair. Mais pour moi, il est évident que ça va être encore plus accessible dans 2500 ans qu'aujourd'hui. Bon, mais d'ici 2500 ans, il va y en avoir d'autres gars qui vont arriver avec des sciences encore plus ajustées, ça c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, Bernard, il a dit une affaire qui m'a parlé, qui m'a dit, nous autres, on peut juste parler à mesure de où ce que nous autres, on est rendu dans l'évolution. Fait Oui. que pensez pas qu'il va y avoir un autre Aleph ou qu'il va y avoir une autre affaire tant que l'être humain ne sera pas rendu ailleurs, mais il va y avoir d'autres mondes qui vont venir parler. Ben oui, ben c'est sûr qu'il a parlé de trois principes, la volonté, l'amour, l'intelligence, mais il disait qu'il y en avait sept. Puis Ouais, c'est là, ça. dans son temps, il n'était pas le temps de parler des quatre autres. Non, c'est ça. Donc, mais c'est chaque chose en son temps. Puis, tu sais, c'est comme nous autres, on développe des capacités qui nous amènent plus loin, puis plus loin, tu sais, on a développé l'avion qui nous permet d'aller dans les airs, par la suite, on a développé la fusée qui nous permet d'aller sur la Lune, puis on va développer d'autres choses qui vont peut-être nous permettre d'aller sur d'autres planètes. Donc, il y a un enchaînement d'une découverte à l'autre. C'est ça. Juste, je pense que le deuxième concept le plus important, c'est que tout est possible. Honnêtement, là. Juste de se dire que tout est possible, c'est juste que cette possibilité-là, infinie, se révélera pas à l'homme tant que ça va être. Tant que ça peut rester un danger de se révéler à l'homme, parce que l'homme inconscient qui pourrait manipuler l'infini, c'est dangereux en salle. Certainement, parce que sa conscience finie va faire en sorte que, surtout s'il est en voie d'évolution, il risque de créer des erreurs ou du dégât. Parce que tous les gens qui auraient développé des dons ou des pouvoirs dans le passé, ils étaient astralisés solides, là. C'était des moines dans leur temple qui faisaient pas grand-chose d'autre. Ben, ça peut créer des dérapages. C'est sûr, si la personne a une faculté de guérir d'autres personnes, est guérisseur, ben, elle développe un esti d'ego par rapport à ça, puis elle se prend pour un autre. Ben, à ce moment-là, elle peut dominer à partir de sa capacité, puis elle va créer du désordre parce qu'elle va fasciner des gens, puis elle va créer un culte alentour de sa personne. C'est ça, un occulte. Oui! Très occulte. Oui, ah, je l'avais pas vu comme ça, ben oui. Fait que c'est ça, il y a des risques de dérapage. Tu sais, c'est par exemple un terroriste aurait accès à l'immortalité, puis son but c'est de convertir tout le monde parce qu'il est fanatique, puis il est intégré à la religion musulmane. Ben là, ça risque de créer des problèmes sociaux importants, là. C'est sûr que je pense que l'esprit, ça, il ne laissera pas passer ça. Je Non, pense exactement. qu'on est rendu dans un temps où ce que l'intelligence se laissera plus enfermer dans un culte. Ça se voit clairement. Parce que la plupart des gens qui se disent intelligents, mais qui utilisent des mots religieux ou qui disent que c'est des élus ou des quoi que ce soit, c'est des charlatans de nos jours, justement. Pas parce qu'il n'y en a jamais eu, mais parce que l'intelligence des plans, puis je parle pas de l'astral, là, je te parle de l'intelligence, je te parle pas de mémoire. Oui. L'intelligence a vu dans le passé ce que ça a fait. Ça a été bon dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est plus bon. Parce que l'être humain, il est assez civilisé pour être capable de faire autre chose avec cette intelligence-là que des crises de religion puis de la crise de spiritualité. Exactement. De toute façon, ça a été un frein évolutif à un certain niveau, le fait que les gens étaient surinvestis dans la religion. Mais en même temps, non, parce que si tu regardes le 2000 ans, c'était des barbares qui se battaient dans des. Qui se battaient les gladiateurs puis tout ça, là, ça n'avait pas de style d'allure. Aujourd'hui, avec le joug du catholicisme, ça a quand même fait des familles, ça a quand même fait des. Tu sais, Jésus a quand même amené le principe de l'amour, veut pas, là. Puis ça, juste ce principe-là, le mot amour, même s'il n'a pas Ouais. été intégré à cette époque-là, le fait que le monde essaye d'avoir ça comme idéal, ça l'a changé, ça l'a haussé le taux vibratoire de la Oh planète, puis oui, ça l'a non, tu as créé des raison. familles. La religion a aussi le taux vibratoire. Par contre, la religion a une fonction temporaire. C'est ça, là, c'est fini. C'est ça, exact. Puis si l'individu s'enlise là-dedans tout le temps, ben il est piégé dans cette forme-là. Mais peut-être que dans son monde à lui, il est. Tu sais, comme. Si tu regardes le calendrier, là, juste selon ta Oui. religion, le calendrier, il n'est pas la même année. C'est pour ça qu'à un Exact. moment donné, je pense que c'est François Payotte qui a dit, là, en ce moment, on sera en l'an 51 après l'ère nouvelle. De l'ère nouvelle. Puis il a recommencé en 69. Il avait dit ça à Daniel Kemp à un moment donné. Mais ouais, c'est comme si on n'était pas tous sur le même fuseau horaire, dépendamment de nos croyances. Puis que c'est pour ça que, mettons, lui, dans son temps à lui, où ce qu'il existe, ben, il est en telle année après Jésus-Christ. L'autre est en telle année après. Comment qu'est-ce que je veux dire? Puis que dans le fond, on serait même pas tous dans le même temps. C'est fou, là, quand tu y penses. Ben, c'est-à-dire qu'on peut être tous dans le même temps, mais notre rapport subjectif au temps en fonction de formes sociales différentes, tu sais, comme les Chinois ou par exemple le peuple juif ont un rapport au temps qui est très différent que les chrétiens, par exemple, parce que les chrétiens vont se situer par rapport à la naissance de Jésus, tu sais, ils vont dire l'an 1 avant Jésus ou l'an 1 après. Donc, c'est les formes culturelles qui vont teinter notre rapport à la temporalité, mais le jour où ce que l'être humain a plus de forme culturelle, ben son rapport, c'est entre lui puis lui, c'est entre lui puis le temps, tout simplement. C'est ça. Ouais. Oh, Satan. Satan a allé vers ça. Ouais, c'est ça. Ça tend l'atmosphère un peu, par exemple, des fois. ça détend. Ça peut détendre l'atmosphère si on est libre des formes, mais en effet, Ouais, c'est ça. le temps, puis être rigidifié dans la croyance qu'une temporalité est meilleure qu'une autre, ça tend à créer des conflits aussi. Ouais, c'est ça. On est bien mieux de laisser faire ça. De laisser faire Lucifer, la peau. ça? Ouais, c'est ça. Lui, il sait faire avec ça, le temps, mais il n'est pas comme Ouais, c'est Satan. ça, hein? Ouais. Ouais, mais S'attendait c'est pas de à la ce que je dise lucidité. ça. Non, mais c'est parce qu'on mange des métaux lourds, hein? Fait que c'est de la lucidité qui est prise dans des molécules de fer. Oh! Ouais. Ouais, ben c'est amusant de voir les jeux de mots qu'on peut faire. Ouais. Dans le fond, on se dit, y a-tu peut-être un petit peu de réel là-dedans ou pas? Je sais pas. Des fois, je me dis que c'est peut-être un piège de jouer avec les mots de même, mais en même temps, des fois, ça fait du sens en crise. Ouais, ben c'est ça, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as des jeux de mots, puis c'est pas juste en français en passant, t'en as aussi en anglais, hein. Tu sais, comme par exemple, nowhere, là. Quand tu Ouais. décomposes, ça veut dire now, here. Ouais. Nowhere, ça veut dire nulle part. Puis quand tu décomposes, now, here, ça veut dire ici et maintenant. Ah, wow. Ah C'est ouais. quand même drôle, hein? Puis, attends, non, mais moi, ce que j'ai trouvé drôle par l'affaire de lucidité dans la molécule de fer, c'est parce que quand tu regardes l'arbre de vie, c'est un cube de fer. C'est la molécule d'un cube de fer. OK. L'arbre de vie des Juifs, c'est un cube de Ouais, l'arbre fer. de Séphiroth, là. Ouais. OK. Si tu regardes la molécule, c'est la molécule d'un cube de fer. quand même drôle. Je dis ça de même. Je me dis qu'il y a de quoi comprendre avec ça, mais je le comprends pas. Ben, c'est ça, moi non plus, je comprends pas. Fait que c'est pour ça que je le commande pas, là. Non, c'est ça. Mais moi, mais tu sais, c'est aussi l'arbre de vie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de fer dans notre. Puis tu sais, on dit aussi qu'on est à l'âge de fer, hein. Ouais. Sais? Ça fait une couple de coïncidences. Ouais, mais à un moment donné, il faut arriver à l'âge de l'être. Ouais, non, c'est ça. Les autres, tu parles de l'âge d'or, mais moi, je dis que ce serait le temps qu'ils se réveillent. Ouais, Ouais, parce qu'il faut arrêter de dormir, là. c'est ça. Non, mais c'est parce que moi, des fois, là, je lâche des petites pistes de même dans mes, ça c'est dans mes vidéos, dans des trucs comme ça. Comme Oui. ça, si jamais ça met en vibration quelque chose avec quelqu'un, mais la personne, elle a juste à venir me parler, puis elle dira, ah, ben moi, ça me fait vibrer ça, ça, ça, puis là, ça part des échanges intéressants. Oui, ça peut servir à l'amorce d'une conversation. C'est ça. Ben, c'est sûr que faire des jeux de mots comme ça t'amène dans une dynamique plus créative. Ouais, vraiment, ben oui. C'est du Ouais. cassage de forme. Exactement. Parce que quand tu te moques des mots, tu leur accordes moins de valeur que quand tu t'accroches aux mots. Oui, certainement. Parce que c'est sûr que les mots peuvent nous enfermer en fonction de croyances puis d'éléments qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, finalement. C'est ça. Faut pas que les mots MOTS deviennent nos mots MAUX. UX, Ouais. c'est ça. Les maudits mots. Exactement. Puis de toute façon, dès qu'on dit un mot, ça devient une mémoire parce que c'est des maudits. Fait qu'on les fait. Parce qu'on est maudits. Ah ben maudit. C'est ça. Ouais. La mémoire maudite, la mémoire qu'il y a des mots qui ont été dits dans le passé, c'est ce qui empêche l'être humain d'être libre puis de se libérer du passé pour accéder au nouveau. L'être humain est fini parce qu'il est maudit. Ouais. C'est fou, hein? Fait que il faut que l'être humain arrête d'être un mot qui est dit pour devenir un verbe disant. C'est ça. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais ça me vient pas. Ouais, ben il faut être capable de se reconnaître. Ouais. Se connaître de nouveau, mais en fonction d'une conscience nouvelle. Faut renaître Ouais, à soi-même. La seconde naissance, c'est ça. C'est être capable de oui. se reconnaître. C'est-à-dire de se connaître en tant que j'allais dire, se réfléchir, c'est pas se réfléchir, mais se connaître de nouveau en fonction d'une conscience intégrale associée au processus de la dynamique évolutive qui nous amène à sortir de l'involution. Ouais, c'est ça. Être capable de pogner chacun des deux pôles de ta batterie puis de faire ressurgir une énergie nouvelle à partir de ça. Ouais. Au lieu d'être d'un pôle ou d'être d'un autre, au début, là, tu les habites pleinement, à un moment donné, tu caches tes deux polarités puis tu apprends à jouer avec. Exactement, pour pas en être victime ou être piégé par elle. On devient un ordinateur quantique, on est capable de m'amener de marcher avec les deux polarités à la fois. Oui, c'est ça que j'essaie à un moment donné de comprendre l'ordinateur quantique. J'ai étudié ça. T'sais, comprendre que, dans le fond, l'unité, parce qu'un ordinateur standard binaire, c'est soit un 0 ou un 1 pour un byte. Ouais. Mais au niveau de l'ordinateur quantique, un qubit Ouais. comporte les deux polarités, le 0 puis le 1, qui sont superposés en même temps. C'est ça. Fait que c'est ni masculin ni féminin, c'est ni blanc ni noir, c'est l'ensemble des potentialités qui sont là. C'est ça. Si je me trompe pas, je pense que ces ordinateurs-là, soit qu'ils sont influencés par leur environnement, ou soit que l'environnement les influence. Non, je viens de dire la même affaire. Soit qu'ils sont influencés par l'environnement, ou qu'ils influencent l'environnement. Un ou l'autre, je sais plus. Mais ça peut être les deux en même temps. Ouais. Mais dans un sens, un ordinateur standard aussi peut influencer l'environnement parce que la connaissance sur l'ordinateur peut influencer ta façon de penser. Puis toi, Oh non, mais ce que je voulais dire, c'est que je oui. pense que l'air ambiant influence le comportement de l'ordinateur. C'est ça que je veux dire. C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas. Mais c'est intéressant, vraiment, la quantique, là. Ouais, ben la physique quantique, il y a des concepts qui nous sortent de la linéarité, comme l'intrication quantique qui fait en sorte que deux objets à distance vont réagir d'une manière similaire alors que physiquement, sur le plan biologique, ils sont pas liés. C'est un petit peu Ben, en comme apparence. en a... Oui, c'est intéressant de le dire. Moi, je me demande si ils sont pas, est-ce qu'ils sont reliés seulement parce qu'ils sont collectivisés, donc par les mêmes mémoires astraux, ou si le fait qu'ils soient individuels, ça pourrait faire en sorte que ça change complètement sa structure moléculaire. Moi, je me dis que l'atome, on commence à l'observer, l'atome. Tu sais, dans un sens, même si ça fait juste une centaine d'années ou 200 ans, je pense qu'on commence à l'observer de l'atome, puis que le fait qu'on s'en aille vers une conscience individuelle va complètement changer notre vision de l'atome. Ah, ben ça, c'est clair. C'est sûr que, tu sais, quand on regarde ce qui a été fait avec l'atome, essentiellement avec le développement des bombes nucléaires ou le nucléaire qui utilisait des fins civiles, avec la fracturation de l'atome, c'est qu'on va détruire quelque chose qui existe pour aller chercher l'énergie qui est derrière. On fait éclater des formes pour aller chercher l'énergie, mais tu sais, il y a quelque chose de destructeur là-dedans. Tu sais, au lieu de composer avec la forme elle-même, on cherche à la faire éclater, puis on pourrait aller puiser l'énergie qui s'en dégage. Mais quelqu'un qui est dans sa conscience, qui a une conscience autogénératrice, ben à ce moment-là, il pourrait aller. Ou si on serait capable de puiser directement l'énergie du cosmos, on ne serait pas obligé de faire éclater des formes pour aller chercher l'énergie qui est derrière. Ben, même dans le cosmos, je veux Ouais. dire, dans l'air ambiant. Ouais. Dans l'air ambiant, on a une source inépuisable d'énergie dans chaque atome. Exact. Mais même sans faire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose de destructeur dans l'idée de faire éclater, par exemple, un atome, puis entraîner une réaction en chaîne, soit pour générer de l'énergie nucléaire pour une explosion d'une bombe atomique ou pour une centrale nucléaire dans un réacteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de destructeur, puis ça occasionne de la radioactivité, puis certaines problématiques. Mais si l'être humain pourrait être capable d'aller chercher directement l'énergie cosmique indifférenciée, sans détruire de la forme pour y porter préjudice, je trouverais ça encore plus intelligent. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a de l'énergie. Tu sais, quand on parle de la forme, là, c'est que dans la cellule, Oui. c'est comme si on avait pris de la lumière et on a identifié à cette cellule-là une forme. Mais quand que tu libères, au lieu de juste casser la forme, tu libères l'énergie de la forme, mais tu es capable de mettre dans la cellule une nouvelle énergie. Puis c'est où que t'es, c'est comme ça que tu refais des nouvelles cellules, puis c'est comme ça que tu fais de la transmutation, d'après moi. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'au début, c'est pas mal invisible, parce que c'est surtout au niveau neuronique. Puis à un moment donné, tu as tellement un contrôle de ton neuronique puis de ton cerveau que là, tu vas être capable de recommander le reste de l'ordinateur à partir du moteur, tu sais. Mais je sais que les premières années, c'est surtout au niveau du cerveau que ça change, puis que ça. On peut quasiment arriver à atteindre le niveau de le cerveau d'un enfant tellement qu'on transmute. Moi, je le sens dans mon cerveau là, depuis quelques mois, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça fait quasiment mal. Oui, ben c'est sûr que ça, dans le fond, comme Bernard de Montréal parlait du développement du cerveau éthérique. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il peut avoir une reconfiguration de certains. Ben, au niveau biologique, il peut avoir une reconfiguration de certains circuits neuronaux qui se produisent dans ton cerveau physique. Tu sais, si tu te mets à parler et faire des enregistrements, ce que tu canalises une fois de temps en temps, ben, à ce moment-là, ton cerveau va se canaliser en fonction de faire. Il va se reconfigurer en fonction de faire de la canalisation supramentale à travers ta parole. Puis, en même temps, il y a un travail de fond au niveau éthérique qui peut se produire en lien avec ça aussi, parce que si tu génères une parole qui est porteuse d'une vibration, la vibration va interférer avec tes cellules, avec tes molécules, avec les atomes C'est qui sûr. constituent ton corps, puis il va y avoir une transmutation énergétique en relation avec ça qui va s'opérer. C'est ça. C'est qu'à cette heure, on travaille plus juste avec le. On travaille plus. On crée plus des connexions juste entre le cerveau gauche puis le cerveau droit. C'est qu'on crée des connexions dans le cerveau gauche puis dans le cerveau droit à partir du cerveau éthérique. C'est là qu'on parle Exactement. d'utilisation de la conscience. Certainement, parce que le cerveau utérique est résultat d'une unification de la conscience de l'individu. Fait que les deux hémisphères qui autrefois pouvaient être séparés ou fonctionner d'une manière indépendante sont réunis par ce troisième élément qui les englobe. C'est ça. Conscience hydrogénée. Ben, si on pense à la théorie du cerveau triunique, où tu vas avoir, par exemple, le cerveau reptilien qui est dû à l'instinct, ensuite tu as le cerveau limbique qui est associé aux émotions, puis le néocortex qui est associé à l'intellect. Ben, toutes ces composantes-là sont toutes réunies à travers le cerveau éthérique qui est une structure énergétique qui va les englober. Ouais, c'est ça. Qui est la vie qui unit ces trois cerveaux-là. Sauf que moi, je pense que le cerveau reptilien va être en quelque sorte transmuté, puis que c'est ce cerveau reptilien-là qui manifeste des intraterrestres. Non, non, c'est pas vrai. Ça se peut en maudit, par exemple. Ben, c'est-à-dire qu'on va parler d'extraterrestres reptiliens qui auraient des comportements associés aux instincts de prédation, de Ouais, c'est domination, ça, entre autres. c'est des symboles. C'est C'est ça. des symboles, mais qui ont dû se manifester quand même, tu sais. Il y a une réalité derrière ça, tu sais. C'est sûr. Mais le point, c'est que si le cerveau reptilien est harmonisé avec le cerveau éthérique, ben à ce moment-là, la personne ne sera plus sous le joug de ses instincts. Elle va être en maîtrise de ces derniers en vertu du fait que l'énergie du cerveau éthérique qui est plus élevée que juste le cerveau instinctif en tant que tel, va l'englober. Ouais. C'est bien intéressant. Ah oui, bien c'est sûr que le développement du cerveau, on peut en parler longtemps parce que présentement, la descente de l'énergie du supramental va façonner la façon qu'on va utiliser, par exemple, notre cerveau dans le quotidien, dans Ça la va vie de tous changer les jours. totalement. Bien, c'est ça. Puis je le vois dans mes perceptions, tu sais, avant, j'étais juste des... Quand je suis pas dans la lumière, là, je veux dire, quand dans l'obscurité, je perçois des choses que je voyais pas avant. Comme des fois, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, les gens à la maison, puis j'en parle un peu parce que je me dis que je veux pas être le seul à vivre des choses comme ça, puis que c'est vraiment le fun des fois de savoir que t'es pas le seul à le vivre parce que ça confirme des choses, puis ça épure les doutes. C'est que moi, des fois, quand je suis dans l'obscurité, souvent, je vais regarder mes murs ou je vais regarder devant moi, puis je vais être capable de voir vraiment comme des milliards de petits points blancs qui composent mes murs, comme si c'était vraiment holographique. Dans le fond, c'est pas fou là qu'on vit dans un hologramme ou quelque chose comme ça. Je le vois vraiment souvent, puis je me dis que ça peut pas être une croyance quand tu le vois là. Genre, je suis capable de voir des flashs de couleurs puis des trucs comme ça. Puis c'est comme si je voyais plus à partir de la lumière dans la tombe que la tombe en soi maintenant. Puis ça, c'est quand que je suis pas aveuglé par de la lumière artificielle comme la lumière de nos lampes ou la lumière des ampoules, des affaires comme ça. Puis je dis pas que c'est pas bon, là. Je te dis juste que c'est. Ben oui. Je suis sûr qu'on est plus réceptif à voir la vraie lumière, qui est la lumière qui s'exprime à travers la tombe, que quand on est sous l'influence de d'autres sortes de lumière, qui est l'électricité. Oh oui, exactement. Ben, en fait, on peut capter la densité, par exemple, des atomes dans l'air. Il y a une perception de la densité d'énergie qui peut s'opérer. En tout cas, j'ai déjà vécu certaines expériences en lien avec ça. Sinon, ce qui m'est venu en tête pendant que tu parlais de ça, c'est que l'esprit va installer en toi une double vision. C'est-à-dire que tu vas voir Ouais, les c'est ça. choses au niveau de la forme, puis tu vas les percevoir aussi au niveau vibratoire. Puis à un moment donné, là, j'ai cligné des yeux, là, puis j'ai regardé ma porte, pas là, là, mais Oui. j'ai cligné des yeux, puis j'ai regardé ma porte, puis ma porte, elle s'est manifestée, mais genre en électrique. J'ai juste vu des courants électriques, puis on est, pack, ma porte, elle s'est remanifestée, comme si elle était plus là, puis là, elle était là, c'était fucké ben raide. Plein de petits trucs comme ça, genre je vois l'électricité dans les choses, surtout quand je suis stimulé intellectuellement ou stimulé par l'intelligence, on dirait que je suis capable de voir des choses parce que l'électricité vient faire une certaine pression dans certaines zones du cerveau. Ça, c'est spécialement quand je travaille sur des trucs ou que je vois dans des zones de moi que j'étais pas game d'aller avant, puis que je travaille dans des nouvelles zones de moi, on dirait que ça active des nouvelles choses. Oui, C'est ça le certainement, parce que truc. l'énergie qui passe à travail, elle va allumer un peu comme, par exemple, de l'énergie qui passe à travers un fil électrique qui permet à une lumière de s'allumer. L'énergie qui circule à travers soi, ce qui me vient en tête, va modifier l'état de tes neurones en amenant une activation en relation avec ça. Je pense à travers les actions ou quelque chose comme ça. Oui, ben c'est sûr que quelqu'un qui a une connaissance technique, tu as les axones, tu as les dendrites, C'est ça. tu as différentes parties. Ouais. Mais moi, la façon que je vois le travail de l'esprit, c'est une reconfiguration mentale qui peut en participer, en particulier s'illustrer à travers une reconfiguration de circuits neuronaux qui sont présents C'est dans le ça. cerveau. Exact. Puis il faut vraiment retourner. Je pense que ce travail-là se fait pas dans une grosse recherche occulte de voir les mystères, mais surtout dans une recherche qui est très, très, très à la base. Ça revient à ce que je disais au début. Tu sais, quand tu vis une émotion que tu es habitué à vivre, puis qu'au lieu de juste te laisser vivre par l'émotion dans une situation, tu te dis, Chris, c'est peut-être wrong. Pourquoi je ressens ça? Puis là, tu vas observer cette information-là, puis là, tu te rends compte que ton double, c'est lui qui met en lumière cette information-là, puis c'est lui qui te pousse à l'écœurement en te faisant vivre tout le temps les mêmes émotions. Puis quand que tu oses aller confronter cette émotion-là, oups, tu prends un nouveau chemin dans tes circuits, puis c'est là que ça va permettre de développer des nouvelles choses, puis ça va vu que tu remets en question tes structures dans lesquelles que tu es habitué mémoriellement, ben là, ton esprit n'a pas le choix d'aller créer du neuf. Oui. Puis tu as le choix, puis quand le neuf arrive, tu as le choix de le regarder arriver, puis de le saisir, puis d'être capable de travailler avec ou de retourner dans tes habitudes. Exactement, parce que l'ego peut résister au changement. Mais à un moment donné, il peut plus. Oui, parce que s'il résiste trop au changement, à un moment donné, un peu comme un ordinateur qui n'a pas de mise à jour, il devient obsolète. C'est ça. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que, tu sais, je pense que si déjà tu es attiré moindrement par le supramental, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans ta vie sans vouloir créer d'attente à personne ou whatever. Mais je pense que si tu es amené à te conscientiser, c'est parce que dans ta programmation, il y a une crise de conscientisation qui s'en vient. Puis, si tu travailles pas à créer les structures nécessaires pour la descente de l'esprit, quand que l'esprit va arriver, tu peux le virer fou, puis tu peux te ramasser dans un HP, tu peux te ramasser dans une grande bâtisse, comme qui dit Bernard, c'est dangereux, là. Oui, c'est sûr que la personne peut se ramasser en asile psychiatrique. Sauf que le point, c'est que si l'esprit est intelligent, il va préparer progressivement l'individu qui va venir en contact conscient avec lui pour pas qu'il pète les plombs. Ouais, c'est sûr. Mais si y a des synchronicités, puis qu'un individu se refuse de voir les synchronicités, puis qu'il fait juste s'en tenir à sa version connue mémorielle du supramental, ça peut être dangereux. Oui, exactement, parce qu'à ce moment-là, il est en décalage avec le réel, puis tôt ou tard, il risque de vivre le choc du réel. C'est ça. Ben, en fait, tant que tant aussi longtemps que l'ego n'est pas en phase d'une manière absolue avec le réel, il peut vivre de la désillusion, puis il peut souffrir du réel. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai remarqué que, tu sais, j'ai écouté les deux premières instructions, autrement dit Bernard puis Kemp, puis récemment, j'ai étudié leur fusion, comment ça s'est passé, puis tout ça. Puis j'ai vu que Bernard, lui, ça a été un gros choc d'une traite, puis il a beaucoup souffert, puis il a dit qu'il avait souhaité ça à personne. Ouais. Tandis que Daniel Kemp, lui, ça s'est fait graduellement, même qu'au cours de son instruction, il était en initiation. Puis c'est comme ça que lui, il a amené le concept de la négoïsation qui est plus douce, plus normale, puis qui devrait plus être vécu logiquement, parce que ça se fait en te regardant à travers ton ego, puis l'esprit, vu qu'il descend pas tout d'une shot, mais il descend graduellement, puis ça permet à la personne de bien transmuter, puis que ça fasse pas mal, puis que, tu sais, lui, il dit qu'il a jamais souffert. Il disait même qu'il a été capable d'avoir assez d'autodérision, puis de pas se prendre au sérieux assez pour être capable de pas souffrir de son initiation. Ben, en fait, chacun des deux ont vécu leur rapport à l'esprit d'une manière différente. C'est ça. Ben oui, c'est ça, ils ont offert deux chemins. C'est ça, mais en réalité, il en existe multiples, puis chaque individu étant unique peut tracer ou voir sa voie tracée par l'esprit, là. Il n'y a pas de recette, c'est ça. Exactement, c'est ça, c'est là, c'est le point que je voulais emmener. C'est du cas par cas, puis c'est individuel comme processus. Non, mais ce que je voulais mettre en lumière, c'est surtout le point que il y a des moyens qui peuvent être plus souffrants mais plus directs, puis il y a des pour ceux qui veulent ça, puis qu'il y a des moyens qui ont été mis en place qui sont plus doux, puis c'est mais en lien avec ça, je te dirais c'est pas l'ego qui choisit, c'est l'esprit qui l'impose. Non, c'est sûr. Fait que ce soit la méthode douce ou la méthode directe, c'est l'esprit qui l'impose, puis souvent l'ego, il va choisir de se dorloter puis dire ah ben moi je vais progressivement puis blablabla, mais si l'ego il y a un orgueil, puis en réalité, il veut camoufler le fait qu'il fait de la stagnation, ben il va se faire confronter par l'esprit bien raide, là, à un moment donné, s'il va s'éveiller. Puis dans le cas contraire, il y en a qui vont penser qu'ils veulent aller trop vite, puis ça va être plus long pour eux autres. Oui, parce que si l'ego carbure au désir d'évoluer, puis est obsédé par ça, ben ça se peut qu'il gaspille beaucoup d'énergie inutilement parce qu'il peut pas devancer son temps. Il peut le retarder, s'il est orgueilleux, s'il est entêté, s'il fait du déni, mais il ne peut pas le devancer. Autrement dit, c'est la même énergie qui carbure la question puis la réponse. Exact. Donc, c'est sûr que quand on dit que la pensée vient d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les questions puis les réponses. C'est ça. À un moment donné, j'ai dit à mon esprit, là, je l'ai engueulé, puis j'ai dit là, c'est une aberration que tu m'envoies les sacrements de questions, je veux des réponses. Puis des fois, il m'en envoie une coupe, puis là, je dis pourquoi tu m'envoies ça? Il dit ben, je te testais. Oui, à un moment donné, il faut devenir, comme disait un conférencier que j'avais déjà écouté, détestable, ne plus être testable. Ça veut pas dire être haïssable, là. Ah, ok, détestable. Oui, c'est ça, ne plus être testable. Mais au moins, il peut t'envoyer des tests stables. Oui. Moi, il je peut... pense que si à un moment donné, l'esprit ne teste pas l'humain comme en qui est présentement, s'il n'y a pas de rappel présent, s'il n'est pas constamment mis en... Parce que tu sais, c'est une lutte, hein, la conscience. Si Oui. l'humain il stagne, à un moment donné, il n'y aura plus d'évolution. Fait que Exactement. ça faut toujours qu'il se remette en question, pas nécessairement parce que l'esprit teste. Ça, je pense que ça fait encore partie du mensonge cosmique, ça, les tests de l'esprit, dans un sens que je pense que c'est l'humain par lui-même qui va devoir se confronter tout le temps à ses croyances puis à ses formes pour être capable de grandir en conscience. Oui. Parce que sinon, c'est vrai que l'esprit va te tester. Je pense que l'être humain va m'amener, il va falloir qu'il comprenne qu'il faut qu'il se teste lui-même avant que l'esprit il envoie des ultimatums parce qu'il la trouvera pas drôle. C'est combien de fois qu'il faut qu'un événement va falloir que. Tu sais, dans le sens que si, quand on se rend compte qu'il y a des événements qui se répètent dans notre vie, c'est que l'esprit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent le contact avec l'esprit sans savoir qu'ils l'ont déjà. Juste les gens qui pensent, ouais, mais moi, je n'ai pas le contact avec l'esprit, il n'arrête pas de m'arriver ça, il n'arrête pas de m'arriver ça. Ben justement, il est là ton contact. Le fait que tu te rendes compte qu'il n'arrête pas de t'arriver ça veut dire qu'il faut que tu travailles quelque chose. T'attends-tu qu'une voix vienne te dire direct dans ta tête, hey, jeune homme. Travaille sur toi. Vois-tu ceci? Vois-tu cela? Au début, le contact avec l'esprit, c'est juste d'être capable de voir quelles pensées qui sont intelligentes puis quelles pensées qui ne sont pas, tu sais. Exactement, c'est tout simplement ça. La personne n'est pas obligée d'attendre une voix radiophonique ou la voix du bon Dieu Il y a un. caricaturée d'un bonhomme avec une barbe qui parle, là. T'sais, je suis sûr qu'à un moment donné, il y en a un contact qui se fait avoir, qui se fait voir assez drastiquement, puis qu'à un moment donné, tu le sais que tu l'as le contact pur, mais moi, je suis pas rendu là, t'sais, mais je le sais que je suis en contact avec quelque chose d'intelligent, tu comprends? Ça, on le sait. À un moment donné, tu le sais, Ouais. tu peux plus douter de ça. Ouais, c'est ça. La personne, quand elle sait qu'elle est en contact avec elle-même, c'est un savoir interne. C'est ça. Le point, c'est sûr que dans un sens, ça peut se perfectionner à mesure que l'ego devient transparent. Moi, c'est ça. Mais en même temps, c'est illusoire de dire, ah, ben, tant que je ne suis pas totalement transparent, je ne suis pas totalement en contact. Parce que sans ça, la personne, elle met la barre haute puis elle se prive du contact qu'elle peut avoir, tu sais. C'est ça. Puis je pense qu'à un moment donné, tu sais, quand tu commences à avoir de l'information, là, puis que tu dis, Chris, c'est intelligent, ça, c'est. J'ai pas appris ça nulle part, mais Chris, comment ça, je sais ça? Ben ça, déjà, ça, c'est de l'esprit. Exact. Juste de dire. Juste de. Tu sais, quand tu entends des affaires, là, puis que. Moi, de ce temps-ci, j'apprends beaucoup, beaucoup, tu sais, j'en parle beaucoup, là, mais juste de respecter l'autre, là, puis d'être capable de respecter le point de vue. Ben moi, je. Puis même si en dedans de toi, là, ça sonne réel ce que tu penses, ben c'est correct. De un, ça te sert à apprendre à respecter l'autre, puis de deux, de respecter l'autre en étant sûr en toi-même de ce que tu sais. C'est là qu'à un moment donné, t'es capable de dire, ah ben, je respecte ton opinion, mais je la partage pas, tu sais. C'est ça, t'as Puis. pas nécessairement à adhérer aux formes puis aux croyances de Puis l'autre. souvent, Hein? quand que je réussis, quand que je me respecte pas, non, quand je me respecte, Ouais. mais au détriment de l'autre, pour me faire chier, l'esprit, il montre que j'avais tort. Mais quand je réussis à me respecter comme du monde en respectant l'autre, en disant, minute, moi, je pense que tu as le droit d'avoir comment tu penses, mais moi, je pense pas comme ça, ben, il y a tout le temps une synchronicité qui vient me dire, ouais, tu vois, tu avais raison de penser comme ça, puis en plus, tu avais raison de le respecter. Comme si je t'ai récompensé par un savoir réel au détriment de mon orgueil. Tu comprends? Oui, exactement, parce que si tu domines Là, pas j'aime pas le l'autre. système, j'aime pas le mot récompense, là, mais c'est surtout un. Comme si ça va ensemble, c'est que ça se synchronise. Oui, mais c'est parce que ton ego fait pas interférence avec le mouvement naturel de la circulation d'énergie à travers toi. C'est ça. Si tu réfléchis pas l'énergie, tu vas être plus objectif dans le mental que si tu la subjectivises pour faire du pouvoir avec elle, avec un ego qui va se donner une puissance ou une autorité. Puis en même temps, tu dis que si tu le sais, tu le sais, tu sais. Exact. Puis si tu le sais tant que ça, pourquoi tu as besoin d'avoir raison? Tu sais, moi, c'est ça que je me dis de ce temps-ci. Si je le sais tant que ça, pourquoi j'ai besoin de le dire, Ben, de quelqu'un prouver à qui tout le monde? sait réellement, il n'y a rien à prouver aux autres. Exactement. Si tu as Si besoin je le sais tant que ça, de pourquoi Ouais. j'ai besoin que tout le monde me dise qu'ils sont d'accord avec moi? Ça, premièrement, c'est de la conscience collective. Puis Ouais. deuxièmement, ben, c'est de l'ego. Fait Exact. que c'est pas de l'esprit. Non, exactement, parce que l'esprit, il peut se supporter lui-même dans son savoir sans avoir besoin de convaincre les autres. Puis souvent, Qu'est-ce que quelqu'un c'est de la qui. vérité ou du mensonge? C'est ça. Parce qu'au début, ton esprit, il va te tester avec du mensonge, il va t'envoyer te promener dans la matière avec du mensonge, puis il va voir si t'es capable de te soutenir avec ton mensonge. Puis à un moment donné, il va te dire, bon, il va te détruire tes formes, tu sais. Juste pour péter ton illusion de chercher la vérité. Ouais, ou il va te laisser te saturer de chercher. À un moment donné, la personne en monte en colère en disant, mais là, tabarnak, ça fait 30 ans que je cherche la vérité sur Jésus, je vais lâcher prise, tu sais. Avec Jésus. Ben, il y en a qui ont passé beaucoup de temps à l'étudier. Jésus, as-tu une relation avec Marie-Madeleine? As-tu eu des enfants? C'était-tu un essénien? Étais-tu un extraterrestre? Tu Ah sais, oh, il y a toutes sortes de questions qui se sont posées sur Jésus, mais Christ, pendant ce temps-là, le temps passe. ouais. Chris, pendant ce temps-là, t'en passes. J'ai fait exprès de dire le mot Chris. Ouais, non, mais maintenant, on se. Non, mais c'est parce que maintenant, si tu le cherches, c'est sûrement que t'as vécu en même temps avec lui. Il t'a impressionné. Fait que ça, déjà de savoir ça, tu te libères de savoir ça. Parce qu'au lieu d'aller chercher vers Jésus, tu vas chercher ce que t'en as retiré dans tes valeurs. Parce que c'est de l'esprit sûrement qui te fait. La recherche, c'est une aberration parce que tout est de l'esprit, Calis, tu comprends-tu? C'est tout de l'esprit qui te fait mettre en valeur, même qu'est-ce qui est pris dans forme. À la limite, c'est de l'esprit. Tu comprends? Oui. C'est de l'esprit dans forme. Dans un sens, l'esprit est partout. Par contre, tu as des différentiels énergétiques qui font en sorte Ben que oui. tu as des formes qui sont astralisées puis sont plus lourdes que d'autres. C'est ça. Mais c'est parce que si tu vis en conséquence de ce qui est mort, donc ce qui n'est pas de l'instant présent, tu vis en conséquence d'une mémoire, donc c'est pas de l'esprit, on te l'esprit, tu comprends? Ouais, t'es pris là-dedans. C'est ça, t'es pris. T'es pris dans un passé, puis là, tu vis en fonction d'une mémoire de maudite, c'est-à-dire de mots qui ont été dits. Bon, ça repart. Sais, quelqu'un Ouais, mais qui vit c'est en ça. fonction des anciennes écritures, la Bible, c'est des mots qui ont été dits dans le passé par Jésus ou des saintes écritures par des initiés du passé, Ouais, c'est mais ça. là, la personne est pas libre parce qu'elle vit en fonction de ces formes-là. Hey, j'écoutais ça là, cette semaine. Il parlait que le langage, OK? Tu sais, à un moment donné, Daniel Kemp, il a dit que l'esprit mental, ça s'expliquerait bien par l'anglais et le français. OK. Puis, j'ai su que le langage cunéiforme, c'est écrit à partir d'un langage qui est écrit. Les formes sont tracées avec des angles puis des francs. OK. Dans le langage cunéiforme. Puis l'anglais, à l'origine, ça s'appelait de l'angle. L'angle, puis OK. le français, ça s'appelait le franc. C'est quand même drôle. Oui, mais je l'avais pas vu comme ça. Non, moi non plus. Puis on va parler des Québécois qui parlent franglais. Ouais, c'est ça. Un mélange de français puis d'anglais. Ouais. Mais moi, je pense qu'avec un français ajusté puis un anglais ajusté, tu peux comprendre bien des affaires. Puis tu vas comprendre que l'âme puis l'aime, ça s'écrit de la même crise de façon. Ouais. L'aime, ça veut dire poche en passant. Ouais, ben parce que tu vois, c'est pas un mot que je t'ai familiarisé en Ah, anglais. c'est pour ça que je t'ai expliqué. Ouais, ok, non, c'est bien parfait. Mais c'est sûr qu'ultimement, en dehors de la langue française puis anglaise, c'est le langage vibratoire. Ben oui, c'est ça. Exact. J'avais un de mes amis qui était anglophone, puis lui, il comprend un petit peu le français, mais il a plus de facilité avec le québécois, Ok. mais il comprend pas trop. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un conférencier, puis ça l'a mis en vibration. Il dit, je comprends pas trop, mais je comprends pas le français d'habitude, mais lui, quand il parle, je le comprends. C'était fucké, c'était cool. Mais si la personne est sensible sur le plan psychique, elle va capter la vibration derrière les mots. Tu Exactement. sais, moi, à l'origine, quand j'écoutais des conférences de Bernard de Montréal, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait parce qu'il n'utilisait pas les termes dans un sens usuel. Tu sais, comme Non, le c'est terme ça. âme, esprit, c'était pas utilisé comme les enseignants de la religion catholique, là. Non, c'est ça. Puis en plus, mais moi, ce qui m'a été. C'est ça. Puis moi, au début, quand j'ai découvert le supramental, je me disais, Chris, ils savent. On dirait qu'ils parlent de ce que je sais, mais je comprends pas ce qu'il dit. Tu comprends ce que je veux? C'était ça. Ouais. Je comprends pas ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'il dit ce que je sais. Fait que je vais continuer à essayer de comprendre pour voir qu'est-ce que je sais, parce que j'ai l'impression que je le sais ce qu'il dit. Oui, parce que ça faisait écho au savoir vibratoire que tu portais déjà au préalable. C'est ça, exactement. Mais il utilisait des mots avec des sens différents des sens usuels, comme on peut l'entendre à l'école ou à la télévision. Exact. Fait que c'est de s'habituer par rapport à ça qui est le défi, là, c'est sûr. Mais comme le temps file, puis ça fait un peu plus de 2 heures de temps qu'on discute ensemble, je voudrais compléter avec toi cet entretien. OK. Et puis, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, pas particulièrement. OK. Bien, c'est sûr que je mentionne aux gens qui auront apprécié la discussion avec toi aujourd'hui que si vous voulez en savoir plus par rapport à Yannick que vous voyez à l'écran, bien, vous pouvez naturellement aller sur sa chaîne YouTube, aller également sur Facebook où il se trouve. Et sinon, bien, pour les gens qui apprécient les enregistrements que je fais au fil du temps, bien, c'est sûr que vous êtes les bienvenus pour m'acheminer une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac plus particulièrement pour les gens là, qui sont ici au Canada. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je remercie bien entendu Yannick que j'ai reçu une deuxième fois aujourd'hui dans le cadre de cet entretien. Et puis, ça a été un plaisir avec toi de discuter encore une fois et on se dit à bientôt. Bye bye. Merci, à la prochaine.